garçon, la Terre va entendre ces mots. En direct de nos studios à Limoilou, CKRL présente l'émission spéciale du lancement de la programmation estivale 2020. C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Bonjour et bienvenue dans ce dévoilement de la programmation 2022. On a fait un petit saut dans le temps pour cette introduction d'émission. Jessica Leb avec vous, directrice de la programmation. Alors ça y est, on a du mal à y croire avec la météo très très changeante, mais oui, c'est l'été 2022 qui commence à CKRL, une belle saison où tout d'abord, je tiens à remercier tous les animateurs et animatrices bénévoles qui se sont impliqués de l'automne, hiver, printemps 2021-2022 jusqu'à tout juste hier. Il y en a qui ont terminé leur saison hier. Alors, il y en a beaucoup qui prendront une pause et d'autres qui vont poursuivre cet été. Et c'est avec eux qu'on va s'attarder aujourd'hui. Donc, un grand merci à tous les bénévoles qui ont été tantôt à distance, tantôt en studio pour cette saison particulière. On est très heureux d'avoir pu compter sur leur implication dévouée, leur passion musicale, leur passion culturelle pour partager ça avec vous sur les ondes. Et qui sait, vous les retrouverez peut-être à l'automne, vous les retrouverez cet été. C'est tout le menu qu'on vous réserve pour ce dévoilement, ce lancement en fait de la saison d'été à CKRL. On va être ensemble facilement, je pense, jusqu'à 18h. Jessica Leb avec vous, comme je vous le disais, je suis accompagnée de mes premières invitées parce que ce sont des animatrices de CKRL. On va commencer avec celle qui habituellement vous accompagne dès 16h et elle sera encore là cet été, Zita Bombardier. Bonjour. Bonjour. À l'animation de Première Loge avec un nouvel horaire cet été. Ben oui, je me suis dit cet été, c'est là que ça se passe, je vais couvrir les festivals, j'avais jamais fait ça, donc j'en profite cet été, ce qui veut dire que je vais pouvoir compter sur l'aide de deux précieux collaborateurs, deux précieux animateurs qui vont faire la moitié de la semaine en remplacement pour m'aider là, cet été. Exact, on va les nommer. Ben oui! Donc, qui sont-ils? Mystère. Donc, on a Pamela Bisson et on a aussi Robert. Oh là là, écoute, Robert. Boisclair. Vous n'êtes jamais rencontrés, ben je non, pense. Ben non, c'est ça. C'est incroyable. Que des voix qui se sont parlé à date. Des passionnés de culture. Alors, vous allez me dire, mais Pamela Bisson, elle anime déjà le matin. Vous l'avez entendu ce matin dans les matins éphémères. Ben, vous savez, hein, on a des animateurs jokers comme ça, alors qu'ils passent tantôt au matin, tantôt au retour. Et Pamela en fait partie. Donc, elle va animer toute la semaine les matins éphémères cette semaine. Puis elle fera des passages aussi dans Première Loge. Donc, nouvel horaire parce que 16h-18h au lieu de 16h-17h30. Ben, oui. Parce que pour la petite anecdote, quand j'animais Première Loge, je m'étais dégagée 30 minutes pour me consacrer à la direction de la programmation et musicale. Mais maintenant qu'il y a une animatrice complète pour ça, on s'est dit, allons-y avec un 2h. Donc, le mandat reste le même, couvrir l'actualité culturelle, comme tu l'as dit. Les festivals vont être très importants cet été. Quels sont les festivals que tu vas couvrir, Zita? Ben là, écoute, je suis tellement énervée, là, ça n'a pas d'allure. Il y a Tadoussac. Ben ouais. Fait que cette fin de semaine à Tadoussac, j'ai vraiment hâte. Donc, le Festival de la chanson de Tadoussac, donc du 16 au 19 juin. Ouais. Il y a, le Festival d'été de Québec aussi, on ne peut pas passer à côté, ça s'en vient. Toi-même, tu vas être du côté des Francouvertes aussi, ça c'est... Des Franco de Montréal. Franco, oh pardon. Ouais, j'y vais cette semaine. Oui, je sais, les noms sont proches. J'y vais, oui, l'animatrice à côté de moi me fait un gros pouce, genre je t'envie, parce que cette semaine, selon moi, il y a une programmation inégalable au Franco. Je trouve qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas ce qu'il y ait au Festival d'été de Québec à l'année, puis pas des artistes qui sont présentés en salle pour faire l'aller-retour. Là, j'ai été complètement séduite. On en parlera peut-être avec ma prochaine invitée tantôt. Mais effectivement, le Festif de Baie-Saint-Paul, je suis pas mal sûre qu'on y sera aussi. La Noce à Chicoutimi également. Festival Jazz de Montréal aussi, que j'aimerais aller faire un tour. Donc, on va pas s'ennuyer. Non, on va se promener, tout comme vous, j'espère. Puis si vous n'avez pas la chance de vous promener, on va voyager ensemble sur les ondes. Festival d'été, il faut que j'en dise un quand même. Vous vous demandez, est-ce qu'on va être de retour au sacrilège cet été? Bien oui, donc du 6 au 17 juillet prochain, tous les jours du Festival d'été de Québec, les 12 jours, on sera au bar Le Sacrilège pour couvrir le festival, recevoir les artistes de la programmation en entrevue, aussi les artistes du Festival Off de Québec qui se déroule du 6 au 10 juillet. On consacre le début de l'émission de la saison à ça. Et donc, comme je vous disais, on recevra les artistes être en entrevue. On aura les chroniqueurs. On ne vous dévoile pas tout de suite qui sera avec nous. Mais Zita sera encore une fois de la partie. À l'animation également, c'est une nouveauté cette année. J'aurai le plaisir d'alterner avec elle. Le festival d'été, on en a déjà parlé, Zita. Mais allez, un artiste que tu rêves de voir cet été au FEC. Ça, c'est facile. C'est Tiken Jah Fakoly qui va être de passage. Oh, j'ai un pouce aussi. Suzanne, j'ai un pouce. Yeah! Tu l'as déjà vu en spectacle ou pas encore? Parce qu'il est venu plusieurs fois à Québec. Non, mais c'est ça. Là, c'est ça. Moi, c'est l'été. Là, je me rattrape. Là. C'est mon été de rattrapage. Je vais enfin voir Tiken Jah Fakoly et j'ai vraiment hâte. On vous en parlera assurément. Et en parlant de... Bah, si vous vous demandez c'est qui Tiken Jah Fakoly, bah, justement, il y aura un segment maintenant dans Première Loge, jusqu'au Festival d'été de Québec, consacré à un artiste du FEC à découvrir. Donc on réserve les 30 dernières minutes de l'émission à cet artiste pour le découvrir en musique, avec des petites infos aussi. Je pense qu'il faut que tu le présentes, Tiken Jah Fakoly, pour te faire découvrir. Parce qu'on s'est dit, avec toute la programmation riche du FEC, il faut vous faire découvrir plus attentivement chaque artiste. Donc oui, bien sûr, les Québécois, les Canadiens, mais aussi les internationaux qui nous rendent visite. J'ai oublié une petite chose très importante. Première Loge sera du lundi au jeudi de 16h à 18h, mais le vendredi, ça finira à 17h30 parce qu'on a un nouveau rendez-vous à vous proposer. Puis ça, je vous en parle un peu plus tard dans l'émission. Zita, un été bien chargé et bien rempli. Bah, oui. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bombardier. Et celle qui nous fait des pouces depuis tout à l'heure, dès qu'on dit des artistes qu'elle aime, elle aussi, c'est Suzanne Castonguay, que vous avez déjà entendue un peu plus tôt cet après-midi. Elle était juste avant nous, de 14h à 16h. Alors, elle conserve son créneau les lundis et mercredis pour La Voix Élide. Bonjour Suzanne. Bonjour Jessica. Toujours un plaisir de t'avoir autant l'été qu'en fait le reste de l'année. Pourquoi tu ne prends pas de pause? Non, mais parce que les gens se posent la question, c'est du bénévolat. On vient faire de la radio deux fois par semaine, 4 heures. Oui, mais c'est parce que ça me passionne premièrement et parce que peut-être j'ai pas de voyage en vue, mais qui sait? Mais j'aime beaucoup proposer aux gens la musique francophone, la musique d'ici, du Nouveau-Brunswick, de la Belgique, de la Suisse, de la France. La francophonie, oui, c'est mais ça, même exactement. Tu te promènes aussi dans les langues, je remarque. Oui, aussi. Dans tes coups de cœur. Si on parle un petit peu de tes coups de cœur actuels, avant de les écouter, on en a déjà écouté hein, d'ailleurs, sans le vouloir. Mes coups de cœur actuels, il y en a beaucoup, ouais. Bien évidemment, ça tu le sais. Mais on a entendu tout à l'heure, juste avant que tu prennes le micro, un artiste qu'on a connu en 2018, mais qui cette année, avec l'album Bayou Saint-Laurent, mais cette année, il y a quelques mois, il nous a proposé un album en anglais, c'est Raphaël de Nommé. Mmh. Et la pièce qu'on a entendue tantôt, c'est Gambling Man. Et j'adore sa voix. J'adore le unique. Style un peu blues. Oui, c'est vraiment unique. Ouais. C'est un artiste qui m'avait séduite dès 2018. Mais là, je pense que c'est un artiste que vous devez découvrir. Et est-ce que tu auras la chance de le voir sur scène, Suzanne? Pas pour le moment. Il n'y a rien de prévu dans ce que j'ai vu. Dans notre coin. Moi, ouais, c'est cas. Ça. Ouais. Ah non, c'est vrai? Festival de Lévis, le 4 août prochain. OK, on oublie souvent. Oui. On parlait de festival. Mais c'est vrai que le festival, cette année, a une super programmation. Ça vaut la peine d'y jeter un œil. C'est pas mal le plus près qui s'en vient. OK. Pour l'été, je te dirais, à moins que tu veuilles te promener à travers le Québec. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça se peut. Elle va réaliser un rêve, Suzanne. Elle va vous en parler. C'est KRL. Est-ce que toi, le festival d'été de Québec, cette année, tu te promènes ou pas? Je ne sais pas encore. J'ai regardé ça justement juste avant d'arriver à CKRL, avant mon émission de tout à l'heure. Et il y a beaucoup de choses bien intéressantes, là, mais je ne sais pas encore là, parce qu'on verra. Oui, on va t'aider à choisir. Ouais. Je vous rappelle, vous pouvez passer un bon FEC même avec les scènes gratuites aussi. Ouais. Suzanne, c'est sûr que l'été, il y a beaucoup moins de sorties que tout ce qu'on a connu pendant la pandémie. Là, c'est incroyable. On a été bombardés d'albums, de singles, etc. Donc, à quoi on s'attend dans La Voix Élide? C'est les coups de cœur de l'année? Est-ce que... Bien, beaucoup. Quand on découvre un artiste ou qu'il y a un album qui paraît, on a toujours deux, trois chansons préférées sur l'album. Donc, souvent, on s'en tient malheureusement à ça, puis il y a tellement d'artistes de toute façon. Mais l'été, j'en profite pour faire découvrir d'autres chansons des mêmes artistes que j'ai proposées durant l'année. D'accord. C'est beaucoup plus d'avantages. Oui, puis beaucoup peut-être... aller écouter en Suisse ou en Belgique, en France, ce qui se passe. Un autre coup de cœur, les Fils du Facteur. J'adore. Ils sont suisses. Oui, c'est ça, exactement. Et qui sont venus tourner plusieurs fois au Québec également, à Québec d'ailleurs. Oui. Bon, alors on va continuer de redécouvrir. Il y a eu tellement de musique qui est sortie dans ces deux dernières années de pandémie, sincèrement, que ça vaut la peine de refaire un tour de roue. Merci beaucoup, Suzanne Castonguay. Bien, on va écouter l'un de tes plus récents coups de cœur également. Marie-Claudel. Pourquoi? Son côté plus rock qu'à ses débuts. Et c'est une artiste qui me fascine parce que elle veut continuer d'accompagner les des artistes, des auteurs-compositeurs interprètes sur scène comme Gab Bouchard, comme Thierry Larose. Elle veut continuer en parallèle avec sa propre carrière parce que c'est l'esprit de gang qui l'anime aussi. Puis il y a une pièce que j'adore, c'est Les années folles, un côté beaucoup plus rock que ce qu'on entendait précédemment. Suzanne Castonguay, c'est une perle. Je connais très peu de femmes qui s'intéressent autant à la musique actuelle et qui en parlent à la radio. Franchement, Suzanne, c'est admirable tout ce que tu fais depuis toutes ces années. Ben, j'aime ça, Fixelle. Oh, c'est beau. C'est facile. Merci. Merci, Suzanne Castonguay, pour La Voix est libre. Je vous rappelle, lundi et mercredi, de 14h à 16h, on écoute Marie-Claudel. Marie-Claudel, qu'on vient d'entendre avec Les années folles, coup de cœur de Suzanne Castonguay dans la dernière année. On est très heureux d'avoir ces animateurs et animatrices passionnés qui vous accompagnent tout l'été à CKRL, puisque je vous le rappelle, vous écoutez le coup d'envoi de la saison d'été 2022 de CKRL. Jessica Leb, directrice de la programmation, avec vous jusqu'à 18h. Hein. On se donne du temps large, il y a beaucoup d'émissions dont on peut vous parler aujourd'hui. Alors dans les rendez-vous qui restent, les rendez-vous qui ne prennent pas de pause, on est très heureux d'avoir l'équipe de Midi Jazz qui continuera d'animer vos midis de midi à 14h pour en parler. Jacques Bégin, au bout du fil, l'un des animateurs de la bande. Bonjour Jacques. Bonjour Jessica. Jacques, pas de pause non plus. Je pose toujours la question l'été. Moi, ça me fascine toujours. Pas de pause, mais c'est une journée par semaine. J'ai d'autres journées en pause là, sans problème. Là. J'ai plusieurs journées pour me ressourcer. C'est un peu une pause parce que cet été, je fais seulement une journée, là, le mercredi. Exact. Alors que j'alternais avec Hubert le vendredi là, durant la saison régulière. Effectivement. Alors Jacques, il faut toujours nous rappeler les différentes couleurs de Midi Jazz puisque vous serez trois animateurs à la barre. Donc je vais juste rappeler Denis Lelièvre qu'on a déjà entendu plus tôt aujourd'hui, le lundi de midi à 14h. Paul Trépanier qui de son côté gardera le jeudi de midi à 14h. On entendra Hubert Tremblay en rediffusion, hein, c'est un pionnier aussi dans la programmation de CKRL. Écoutez, il a tellement travaillé à distance pendant la pandémie qu'on va vous proposer des rediffusions de ces émissions Midi Jazz. Jacques Béja aussi, tu as goûté aux émissions préenregistrées, on va te réentendre cet été. Alors, quelles seraient les différentes couleurs de vos animations? Ben, Denis, son émission est beaucoup basée sur l'actualité, les entrevues, sur ce qui se passe dans la région et même ailleurs. Le festival de jazz en juin, d'ailleurs, qui va couvrir de très belles façons. Pour ce qui est de Paul et de moi, c'est des émissions essentiellement musicales et je pense que nos choix se complètent bien. On a des goûts complémentaires et on se rejoint sur plusieurs artistes quand même. C'est à la fois du jazz d'ici, du jazz d'ici, du jazz d'ailleurs. Là, J'essaie de mettre un accent aussi sur le jazz canadien de l'autre côté de la rivière Gatineau qu'on n'entend pas si souvent que ça ici, le jazz de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui se fait de très belles choses et qu'on entend un peu ici au Québec. Mm-hmm. Donc des présentations de ces artistes, hein, vous avez toujours des petites anecdotes, des petites informations pour nous apprendre à mieux les connaître. Le Festival international de jazz de Montréal est aussi assez incontournable dans vos émissions, il me semble. Oui, habituellement on en parle beaucoup et particulièrement cette année on va en parler parce que le volet extérieur, les spectacles gratuits, c'est une très belle programmation. On a souvent critiqué le Festival de jazz de Montréal en disant que c'était un peu toutes sortes de musique qui était sans rapport avec le jazz. Mm. C'est moins vrai cette année. Cette année, une programmation extérieure qui vaut le détour. Et on va essayer de garder le fil pour les gens qui vont aller faire peut-être une petite virée à Montréal d'une seule journée, il y a un jazz qui est accessible et économique. Mm-hmm. Je sais aussi que pour Denis Lelièvre, je pourrais lui en parler après parce qu'on lui parle un peu plus tard, mais le Festival international de jazz de Rimouski est aussi un incontournable. Ça se passe aussi du 1er au 4 septembre. Donc on va être gâtés, hein, avec ce retour à la normale. Oui, les sorties d'albums, mais aussi les événements pour Midi Jazz. Oui, c'est ça, exactement. C'est un beau rendez-vous qu'on se fixe alors de midi à 14h. Toute la semaine. Un grand merci, Jacques Béjean. Merci, Jessica. Bye. Bon été à tous. C'est en ça que j'ai envie de vous dire pour cette émission toute spéciale. Restez là dans quelques instants. On continue la découverte des animateurs et animatrices. Je vous parlais tout à l'heure de Suzanne Castonguay qui est à l'affût de toutes les nouveautés musicales. Eh bien, j'ai le pendant masculin maintenant pour la musique actuelle. François-Samuel Fortin qui sera de retour lui aussi dans la programmation. On lui parle dans quelques instants. Restez là. Vous êtes toujours dans le lancement de la programmation d'été 2022 de CKRL. Jessica Leb avec vous jusqu'à 18h pour vous présenter les différents animateurs et animatrices qui vous accompagneront tout l'été. Ça commence aujourd'hui et ça aura lieu jusqu'au 11 septembre. Donc allez voir tranquillement, pas vite, sur le site de CKRL le nouvel horaire parce qu'il y a des émissions qui ont bougé, qui sont parfois plus tôt, plus tard, allongées même aussi. Donc on vous dévoile tout aujourd'hui, mais je vous rappelle que toute la ressource est sur le site internet de CKRL, ckrl.qc.ca. Un qui ne bouge pas par contre et qu'on retrouvera toujours le jeudi de 18h à 20h pour également voyager en nouveautés musicales d'ici et d'ailleurs, c'est François-Samuel Fortin, toujours à l'animation de Transmission Transversale. Salut! Salut Jessica! Je vois que tu ne prends pas de pause cet été alors qu'il me semble que tu vas pas mal te promener en festival aussi. Oui, exactement. Je vais, comme toujours, l'été, en fait, cette année avec la COVID a commencé au mois de mars. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, en tout cas, du côté événementiel, c'est comme si les vacances avaient commencé. En tout cas, c'est ce que les diffuseurs pensent, parce que ça prend d'en aller beaucoup pour consulter tout ce qui est offert. Là, ben, comme en fin de semaine, par exemple, je vais à la foire brassicole. Oui. Et, découvrir ça comme chroniqueur à l'émission de retour. Mais à ma propre émission, ce que je fais souvent quand il y a un concert ou un événement qui s'en vient, ben, je mets des chansons de ça. Et là, j'ai décidé pour cette année de faire une chronique sur mon émission tellement en direct que je suis en train de faire mon émission du 16 juin en ce moment même. Je drague des chansons dans mon iTunes au moment où on se parle. Puis là, ben, je viens d'ajouter Les Louanges, Le Couleur et Chose Sauvage parce que c'est eux qui ouvrent la soirée de la commission brassicole vendredi. Donc, mon émission est le 16. Les concerts qui ont lieu entre le 16 et le 23, ben, je vais essayer de mettre une chanson à l'émission pour dire aux gens « Hey, il y a cet artiste-là qui joue. » Donc, allez le voir en concert le 22, c'est l'endroit et blablabla. Mm-hmm. Mais aussi, je parlais de nouveautés, ben, c'est aussi l'endroit où, une fois que j'ai écoulé tout le temps que j'ai besoin de mettre en artiste qui joueront à Québec dans la semaine suivante, ou ben, très proche comme Saint-Casimir, bien ensuite, je rajoute des nouveautés qui sortent à la semaine. Soit ça peut être un extrait qu'un artiste vient de sortir, puis son album sort à l'automne, c'est que je vais m'arranger pour le mettre et dire aux jeunes, hey, la bonne nouvelle est parmi nous, l'artiste revient enfin. Et voici qu'est-ce qu'il nous propose en avant-goût avant la sortie d'album. C'est pas mal ma routine de faire ça. Puis ben, les genres musicaux qui sont couverts, ben, ça couvre vraiment pas mal. Ça commence chaque semaine en électro, rap, ça vire éventuellement en transition, des fois un peu plus disco, vers des vrais instruments, ensuite plus du folk, de l'expérimental, du jazz, puis à la fin, on se retrouve avec du rock, puis parfois de la musique extrêmement abrasive. Mais moi, je suis toujours impressionnée par l'éclectisme, l'étendue aussi des artistes que tu couvres sur les quatre coins du monde, parce que bien sûr, il y a une belle place faite au Québec, mais tu t'amuses à beaucoup voyager également, donc bravo pour ça, parce que 2 heures d'émission, là, ça sera pas difficile à remplir avec tout le contenu qui s'en vient, finalement. Non, je trouve souvent du retard dans mes trucs à diffuser parce qu'il y a des nouveaux trucs qui bousculent l'entre. Des fois, il y a des sorties d'albums que je peux juste en parler après 3 mois, finalement, parce que ça a donné que j'aimais moins ça que les autres puis qu'il y avait tellement de trucs à parler. Et je voulais quand même le couvrir, fait que je m'arrange pour essayer de parler de tout le monde un peu, de diffuser la bonne nouvelle. Là, je suis vraiment une courroie de transmission. Là. Mes goûts sont pour beaucoup, mais il y a souvent, je finis par diffuser des trucs que j'aime un peu moins, mais que je reconnais qu'il y a beaucoup de travail, c'est très bien fait, puis ça risque d'intéresser beaucoup de gens. Et que je vais m'amuser aussi à diffuser des trucs que j'aime moins comme ça, parce que ça risque de plaire à quelqu'un d'autre. Mais merci beaucoup pour ce partage, François-Samuel Fortin. Je le rappelle, à l'animation de Transmission Transversale le jeudi de 18h à 20h. Je te souhaite un super bel été. Merci à toi aussi. Merci. Et en parlant de musique qui nous feront danser, je pense que l'émission dont je vous parle dans quelques instants en est une très bonne. House and Swing qui sera de retour, en fait qui prend pas de pause. Je dis qu'il sera de retour, c'est pas vrai, ils prennent pas de pause. Ils animaient déjà samedi dernier, ils seront là samedi prochain, donc de 15h à 17h. Comme son nom l'indique, on s'attend à de la musique électronique. On va recevoir les animateurs dans quelques instants. Restez là, c'est toujours le coup d'envoi de l'été 2022 à CKRL. J'imagine que ça ferait du bien à ton petit cœur de prendre une pause. Le temps fait si bien les choses, mais c'est cool, ça me dérange pas. Tu sais bien que je t'aime plus que ça. Avant de partir, je veux juste te dire une dernière fois. J'ai le goût de finir à la même place que toi. Finir à la même place que toi. Encore et toujours m'évanouir dans tes bras. J'ai le goût de finir à la même place que toi. Après Gab Bouchard avec Dépotoir, artiste que vous retrouvez au palmarès CKRL. Il est rendu numéro 7 cette semaine au palmarès chanson francophone. Un petit mot sur le palmarès CKRL que vous pouvez écouter chaque vendredi de 9h à midi sur les ondes de CKRL. C'est encore Zita Bombardier qui le présente. J'ai la chance de travailler avec elle pour ce palmarès. Moi, en tant que directrice musicale, j'écoute pour vous les nouveautés musicales d'ici et d'ailleurs et on fait un palmarès qui ressemble à CKRL. Parce que le but dans les chansons que vous retrouvez là-dessus ou les albums, puis je vous invite à visiter le site ckrl.qc.ca onglet palmarès pour voir qui sont la trentaine d'artistes en fait qu'on soutient le plus à travers notre diffusion. Et bien c'est vraiment des artistes qui ressemblent à CKRL tant dans leur mission, dans leur son également, francophone, anglophone, instrumental, d'autres langues aussi. Mais bref, les nouveautés à surveiller selon nous, tout style confondu. C'est dans le palmarès que vous les retrouvez. Et comme je vous le disais, il y a une émission qui est consacrée tous les vendredis de 9h à midi, animée par Zita Bombardier. Alors quand on cherche parfois des artistes à écouter, qui je pourrais découvrir, oubliez les plateformes de streaming, allez sur le site de votre radio et allez découvrir ces artistes. Je suis sûre que vous ferez de très très belles trouvailles. Du côté de la musique électronique à CKRL, House & Swing conserve son rendez-vous le dimanche de 15h à 17h. Un duo d'animateurs qui a appris à se connaître à distance pendant la pandémie, de ce qu'il me racontait. Il devait se connaître déjà un peu avant pour House & Swing, donc je vous l'ai dit, dimanche 15h-17h avec Pierre-André. Samedi. Samedi. Dimanche. Samedi. Avant, c'était dimanche. Ouais, je vois. Merci Pierre-André, il me fait des yeux bizarres depuis tout à l'heure. Non. J'étais dans mon élan. Ouais. J'ai travaillé très fort sur la programmation. Pierre-André Gobeil, salut. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Accompagné de Kaidi, salut. Salut. Vous êtes donc le duo de House & Swing. Vous représentez la musique électronique à CKRL. C'est quoi votre... Parce que musique électronique, c'est large. Donc, c'est quoi votre spécialité, ben, j'allais dire? En tant que tel, dans la musique électronique, on va toucher à tous les genres, que ce soit du house, progressif, deep house, DM, tech... et j'en passe, mais tu sais, on va aller chercher les chansons les plus accrocheurs, populaires et des nouveautés ou plus dans l'underground aussi. Kaidi va pouvoir. En fait, on fait un palmarès de toutes les sortes de musique électronique qui sont sur le marché présentement, le EDM, techno et tous les autres styles qui sont dans la vague en fait. Au début de notre émission, en fait, on touchait beaucoup l'underground, mais on s'est rendu compte qu'à fur et à mesure, les personnes adaptaient plus à des hits que la musique moins connue. Mais on a quand même concentré notre émission sur les personnes qui sont d'ici, qui ont de la musique underground également. Là. J'allais dire, on est à CKRL, c'est ce qu'on cherche aussi. Oh oui, c'est là. Ça. Bon, me décevez pas. Non, mais on comprend, on a tous dansé peut-être dans notre jeunesse sur des gros succès électro, donc on comprend pour le côté populaire. Les festivals aussi, disons que je suis surprise du nombre d'événements qu'il y a sur la musique électronique au Québec, parce que vous vous promenez pour les nouveautés, mais pour les événements, ça reste évidemment local. C'est tous des événements qui ont lieu la plupart au Canada puis au Québec. C'est des événements avec qui j'ai pas des partenaires, mais des liaisons avec ces personnes-là qui sont des contacts qui sont dans l'événementiel. Moi-même, je fais de l'événementiel, ça fait 10 ans. Puis dans 10 ans, j'établis comme une liste de personnes avec qui je fais affaire. Puis là, maintenant, pour leur donner un coup de pouce, je leur donne la possibilité de venir parler un peu de leur événement, leur programmation, puis des artistes, les encourager. En entrevue. Des incontournables, enfin les un, parce qu'on n'aura pas le temps de faire toute une liste là, mais un incontournable chacun pour la musique électronique, que ça soit un événement ou un artiste, un album, Pierre-André? Il faut y réfléchir. Je te prends le coup. Tu me prends le coup. Katie, peut-être, en attendant. Présentement, dans ma liste... Où est-ce que tu vas cet été pour profiter de musique électronique? Présentement, je veux pas m'auto-promote, mais j'ai un gros événement qui a lieu le 23-24, fait que je suis un peu chargé. Là. Juin? Oui, et pour la Saint-Jean-Baptiste, on est en programmation. Présentement, on a 15 artistes, mais tu sais, ça touche à peu près pas juste la scène électronique, la scène hip-hop, la scène rock. Mais dis-nous, dire tant qu'à commencer, dis-nous ce que ça c'est. Ça s'appelle Showtime, c'est le 24-25 juin, c'est à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est une première pour la Saint-Jean-Baptiste, parce que la programmation de Saint-Anne, ils n'ont pas vraiment d'événements dans ce style-là. On a des noms quand même assez bons, là, tu sais, En même présage, qui est quand même assez connu pour aller au quartier de lune. On a Nid Vipère, qui est un groupe rap hip-hop. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Soja. Oui, bien sûr. Assez qui était connu. Au Franco de Montréal, d'ailleurs. Mais cet été, je me suis associé en partnership avec son cousin. Fait que là, maintenant, on a décidé d'un peu plus de faire des événements. J'ai une nouvelle salle aussi qui s'en vient là-bas. Puis c'est sur le terrain de ma salle. Fait que, une bonne programmation dans scène électronique. C'est tous des artistes de Québec, DLT, ensuite ça, Chef B, c'est tous des noms qui sont présentement dans des festivals comme Tristel puis Timeless. Ok, alors s'il y en a qui comme moi écoutent les noms et se disent ok je les connais pas, bah justement faut écouter House and Swing pour mieux connaître cette scène là. Pierre-André, as-tu un éclat? Ouais, de... Ouais, ben, je dirais des bonnes soirées électroniques, il y en a beaucoup à la cuisine en tant que telle, avec Charles Poulin, Nick B, pourraient être des bons incontournables. Cet été aussi? Ouais. Exactement. Bon, alors si on cherche Pierre-André, il sera aussi à la cuisine dans ses prochaines soirées. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cet été, pour terminer là? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour House and Swing? Particulier, plus, un peu plus sa journée. Ben, tu sais, on était déjà dans le bal de parler des événements, mais on va avoir encore plus d'entrevues qu'on en avait. On a eu plusieurs dernièrement, on a eu un peu de moins en moins. Tu sais, l'été est présent, puis les artistes sont beaucoup sur la scène, fait que c'est plus difficile. Tu sais, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, ils veulent peut-être faire leur programmation, mais c'est le concept, leur c'est promotion. Que... Ah, leur promotion, mais le problème, c'est que la plupart du temps, ces gens-là vont dans le nightlife, vont faire des raves, puis le lendemain, c'est un peu difficile de les avoir à la radio pour leur parler. Vous avez sont ce un peu problème-là, fatigués. Vous, c'est vrai? Sinon, peut-être des concours en compte. Oui, j'ai plein de concours. On a fait tirer aussi, il n'y a pas longtemps, des billets pour Carl Cox au Stade olympique, mais c'est sûr que dans l'émission, on va toujours avoir des paires de billets, des entrées gratuites pour les festivals, c'est qu'on nous offre. C'est super intéressant pour les personnes qui veulent sauver 4 à 500 $ pour une entrée dans un festival. C'est pas toujours donné, mais ça vaut la peine. Bah, suivre donc dans House and Swing le samedi de 15h à 17h. Donc, je le rappelle, Pierre-André Gobeil et Kaidi Lekaz. Je l'ai bien dit, hein, samedi 15h, 17h. Ouais. Puis on a une rediffusion aussi. Oui, bah, en fait, rediffusion, oui, c'est ça. En fait, on va retrouver une nuit, exactement. C'est encore en cours de construction, pour rien vous cacher. La nuit en musique du mercredi au jeudi. Ça va être une nuit dansante en général qui va regrouper plusieurs émissions de CKRL. Parmi elles, House and Swing qu'on retrouvera. Il y aura de la musique latine aussi. Je trouvais que ça allait bien avec la musique électro que vous allez nous proposer. Très bon. À suivre. Merci Pierre-André, c'est mon deuxième cerveau aujourd'hui. Je vous le présente. On va parler jazz dans quelques instants avec... on a déjà parlé jazz à Midi Jazz avec Jacques Bégin. Donc je vous rappelle, retour de cette émission de midi à 14h aussi l'été. Mais l'animateur qu'on reçoit n'est pas seulement à l'animation du jazz. Il a aussi son émission Chansons sur parole que vous retrouverez le jeudi de 14h à 16h pour tout savoir sur la musique, la chanson francophone et la littérature notamment. Bonjour Denis Lelièvre. Bonjour Jessica, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, très contente. Oui, nous sommes presque succédés dans le studio. Mais oui, c'est vrai, on aurait pu se croiser aujourd'hui. On va commencer par Chansons sur parole, Denis. Comme je le disais, une émission qui se passionne pour les mots, finalement. Oui, c'est très, très bien dit, Jessica. Je tiens à dire que bon, c'est un peu cousin de ce qu'on retrouve le matin avec Univers francophone, mais... au lieu d'être à mur à mur à 100% de la chanson et francophone, il reste, qu'est-ce qu'il y a de commun aux émissions de 14 à 16 heures du lundi au vendredi? C'est quand même un bon fond de chansons francophones, donc c'est mon cas le jeudi. Autrement, donc c'est dans le même esprit que durant l'année, avec peut-être quelque chose d'un petit peu plus léger, parce que c'est l'été, à la fois pour moi, côté préparation, et à la fois pour l'oreille de l'auditrice ou de l'auditeur. Je cherche peut-être à conserver quelque chose du côté de la littérature, comme tu le disais, mais pas nécessairement à chaque semaine. Théâtre et aussi, puis, j'aime beaucoup le côté, si tu veux, je sais que les gens voyagent beaucoup, ne serait-ce que dans un 48 heures, alors parler d'événements, oui, qui sont à Québec, mais d'événements qui se passent peut-être ailleurs, à Montréal ou bien en région, d'ordre culturel. Il y a des festivals, il y a des événements, Alors, ça, j'aime ça beaucoup. Et puis, bon, dès jeudi prochain, dès la première, il y a deux trucs dont j'ai déjà parlé. C'est que lundi soir prochain, au Périscope, en lien avec ce qui arrive en Ukraine, il y a, et c'est gratuit, des lectures par des gens qu'on connaît très bien en théâtre, Robert Lepage, Jacques Leblanc, Linda Laplante, Catherine Côté, qui vont lire des extraits de dramaturges contemporains ukrainiens. Et on donne ce qu'on veut. Ça, je trouve ça vraiment majeur et je vais en parler dès le premier jeudi. Et puis, il y a aussi, cette semaine, il y aura une conférence de presse sur un livre très attendu sur l'histoire du Grand Théâtre. Donc, pas le président, mais l'histoire du Grand Théâtre. Alors, tu vois, bien, évidemment, ça continue des sujets comme ça, mais peut-être pas bourré, comme je le sais des fois, avec quatre sujets en deux heures, donc un peu plus de musique et de chansons. Mais quand même, je te trouve aussi très actif sur la scène de Québec, du Québec, hein, comme tu le disais, l'été, oui. On élargit, on vous accompagne dans les escapades, et puis si vous restez à Québec, bah, c'est une occasion aussi de voyager en écoutant nos ondes. Denis, un petit mot sur Midi Jazz. Jacques Bégin, t'as toujours très bien présenté tantôt quand on a parlé du jazz, mais peut-être un petit mot sur toi, ce qui attire ton attention cet été. Ben, je n'en doute pas. Ben, encore là, c'est un peu dans le même esprit. Ce qui me distingue, c'est que je fais des entrevues et beaucoup concernant la parution de nouveaux albums ou des concerts. Et là, ben, comme on a pour la quatrième année un festival de jazz, qui s'appelle le Festival Jazz en juin, qui va du 17 juin au 5 juillet, ben là, c'est presque tous les lundis jusqu'à la fin juin, début juillet, avec un petit écho avec celui de Montréal. Et c'était après ça, peut-être la même chose, prendre ça un petit peu plus calme, laisser peut-être plus de place à la musique. En tout cas, on est bien heureux de vous avoir avec nous cet été pour continuer de nous informer. En fait, moi, je suis toujours impressionnée aussi de voir à quel point la scène jazz est vivante, non seulement à Québec, mais il faut rappeler qu'à Montréal, c'est l'un de ses plus gros festivals aussi. Oui. Donc, quand on pense que le jazz est dépassé, ben, on voit bien que non. Je sais que tu es à l'affût de choses nouvelles. Oui. Il y a des jazz, je dis ça très, très rapidement, comme par exemple les groupes de Benjamin Deschamps, de Julien Filion, un autre qui s'appelle le Jagger, un groupe de Sherbrooke autour de Anan Nguyen, qui étaient des gens qui ont tous étudié à la faculté de musique de l'Université Laval, puis après ça se sont retrouvés à Sherbrooke. Ce sont des gens qui s'ouvrent non seulement en rock, mais musique du monde, mais vers quelque chose de beaucoup plus électrique, énergisant et groové, qui normalement devrait aller chercher un public de 20 à 30 ans qui ne pensait pas s'intéresser au jazz. Alors donc, il faut présenter ces gens-là. Toutes les générations sont représentées dans le jazz, je pense. Merci beaucoup, Denis Lelièvre, pour cette présentation d'événement. À très bientôt. Merci. À bientôt, bye. Et Nuit Midi Jazz aussi, hein, je vous parle trop peu de nos nuits lors des lancements de programmation, on a souvent trop de matériel, mais quand même, Nuit Midi Jazz qui aura lieu donc la nuit du dimanche au lundi de 2h à 5h du matin. Je vous rappelle, les nuits de CKRL, c'est aussi une façon de mettre à l'honneur le travail à distance qui est fait par nos bénévoles avec des émissions préenregistrées, mais souvent intemporelles, donc on les rediffuse pendant la nuit et ça vous permet d'être accompagné entre de bonnes mains aussi pour les noctambules d'entre nous. Restez là, dans quelques instants on passe dans un tout autre registre, il sera en onde dès ce soir. Est-ce qu'il est déjà au bout du fil? Bon, bah, je pourrais même enchaîner tout de suite. Il change d'horaire, lui, avec Prescription Punk Rock qui commencera un peu plus tôt l'été. On vous brasse un petit peu plus tôt en soirée, 19h30, 21h30 pour Prescription Punk Rock, animé par Éric Bédard, aussi appelé DJ Punk As Bed. Salut! Hell yeah! Salut Jessica, ça va? Ben oui, j'adore quand tu me fais une version du hell yeah très calme à 16h42. Ben oui, en fin de journée comme ça. Ben oui, on change d'horaire, on va être de 19h30 à 21h30 tout l'été jusqu'en septembre. Donc, on va être festif. Bien sûr, c'est l'été. On va vous passer du ska, du punk, du bon hardcore. On va vous brasser, mais on vous brassera pas trop, faites-vous en pas. Nous autres aussi, on vieillit avec Prescription Punk Rock. Donc, vous allez voir une formule bien balancée pour l'été. Il dit ça, mais je me souviendrai toujours quand on a déconfiné les animateurs en studio, mais les invités aussi. Eric a été le premier à ramener 10 invités en studio parce qu'il avait l'autorisation, il avait le feu vert. Puis il y a toujours des groupes qui sont là, qui viennent faire des performances en studio, qui viennent parler de leurs projets. Et je trouve que c'est vraiment une chance inouïe pour les artistes du milieu punk à Québec parce qu'il y a très peu de scènes pour s'exprimer. Très peu d'émissions. Exactement, c'est vrai. Puis tu sais, c'est tout le temps le fun, cette formule festive-là, justement. Ça nous manquait. On était contents d'animer en studio, mais vous comprendrez que tout seul, derrière un micro, à crier « Hell yeah » puis à créer cette énergie, c'est pas pareil qu'avoir un groupe qui te fioule puis qui t'en donne aussi. Donc oui, lundi dernier, c'était la première fois qu'on avait une dizaine d'invités là en studio, deux formations dans le fond, et ça va continuer durant l'été. Ce soir, on a la formation Frappe à bord qui va être là, qui va être en spectacle. Ce mercredi en Formule 5 à 7 du côté de la Source Martinière. C'est gratuit. Ils vont être accompagnés de la formation Podium d'Espagne qu'on va aussi avoir en entrevue. Puis j'ai mon bon vieil ami Steve Rock de la formation Still Insane qui va être aussi avec nous autres ce soir. Donc, on continue avec cette formule énergétique de prescription punk rock pour vous craquer. Parce que c'est ce qu'on fait. On prescrit votre dose de vitamine musicale punk à chaque semaine. Ouais, si on est fatigué, là, on écoute Éric Bédard et ses LIA et l'énergie de ses invités, puis ça va bien, vraiment. Éric, je pose la question à pas mal tout le monde pendant l'émission, mais j'ai envie de savoir aussi pour toi, événement incontournable de l'été, si tu devais en choisir un, je sais, c'est cruel, ce serait lequel? Il y en a plusieurs qui s'en viennent, mais je vais y aller avec le plus proche. Je vous invite d'aller du côté du Festivois à Trois-Rivières si vous êtes capable de vous déplacer. Un magnifique festival cette année. Il y a une formule, une fin de semaine punk rock. Il va y avoir des groupes locaux. On a Hipshot de Québec qui va être là. On a bien sûr aussi la formation Bangers Club, aussi de Québec et des environs. Et il va y avoir NoFX, Face to Face, Lagwagon va être là. Donc, gros événement du côté de Trois-Rivières. Et ça débute en début juillet. Donc, manquez pas ça. Ça dure... C'est presque 2 semaines et demie, le Festivois. Quand même. Tu vas faire ton déplacement alors et tu nous en reparles dans Prescription Punk Rock? Hell yeah! On va avoir des entrevues sur place avec différentes formations. Je veux pas vendre les punchs, mais on va vous ramener ça. Puis bien sûr, on va couvrir la plupart des festivals durant l'été. Donc, vous allez me croiser, bien sûr, là, soit à l'extérieur ou à l'intérieur pour les spectacles. On est content de la reprise culturelle. Et d'ailleurs, un gros merci à CKRL de me permettre d'animer Prescription Punk Rock, mais de participer là aussi activement à la reprise culturelle. Ça fait du bien à tout le monde. Puis merci, Jessica, aussi pour ton travail incroyable. Oh, merci. Ça me touche beaucoup, Éric. Puis j'ai envie de dire qu'avec des passionnés comme toi, des dévoués comme toi, c'est vraiment pas difficile de faire son travail. Donc, un grand merci. Et donc, rendez-vous ce soir, 19h30, pour votre prescription punk rock. Éric Bédard, hey, merci. Vous pourrez plus dire que vous vous couchez tard, ceux qui ont 40 ans et plus à cause de moi maintenant. Pas d'excuses l'été. Ce soir. C'est ça. Un grand merci. Bon été à toi, tout simplement. Merci Jessica, à toi aussi, on va se croiser, à tous les auditeurs, bonne soirée. Et puis si vous c'est toujours pas le cas, allez rejoindre le groupe Facebook Prescription Punk Rock. Mine de rien, plus de 4400 membres sur ce groupe pourraient échanger sur la scène punk, puis Eric y poste aussi ses invités à chaque lundi. Restez là, dans quelques instants, je vous présente encore plus d'émissions de l'été, on ira en rock et avec un tout nouveau concept, une recrue aussi pour l'été, pour ce coup d'envoi à CKRL. De retour dans ce lancement de programmation d'été de CKRL. On est ensemble jusqu'à 18h pour vous présenter les différents animateurs et animatrices qui vous accompagneront tout au long de l'été. Mon nom à moi, c'est Jessica Leb. Je suis ravie de vous présenter cette grille d'été sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec les bénévoles pour vous proposer un été animé aux couleurs des événements de Québec, aux couleurs de certaines nouveautés aussi, parce que même s'il y en a moins, il y en aura, et surtout de bon goût musical. Alors quelqu'un qui se fera plaisir cet été, j'en suis sûre, en animant non pas 2 mais 3 heures d'émission le dimanche soir, défi qu'il a accepté de relever à ma proposition. Ouais. C'est Mathieu Johnson pour Rock Medium. C'est le cas de dire, ça va être un beau défi. Puis oui, je suis craqué comme ça. Puis ça va me donner l'opportunité d'avoir des invités pour jaser avec eux autres un petit peu plus, puis m'offrir du rock progressif, parce que dans le prog, les chansons dureront moins, rarement en bas de 10 minutes, fait que ça me permet d'allonger un petit peu plus mon répertoire musical. Avec les années, là, il comprend les secrets de la programmation musicale. Donc le dimanche de 21h à minuit, tu gagnes une heure de plus par rapport à l'automne, Mathieu. Et Rock Medium, j'adore, quand je me souviendrai toujours, la première fois que tu m'as expliqué le nom, là, c'était très clair dans ta tête ce que ça représentait, Rock Medium. Oui, parce que je présente souvent mon émission comme une émission de cuisine. J'ai un menu, donc on commence avec les entrées. Fait que des fois, les entrées, ça peut être un petit peu le préliminaire pour le reste de l'émission, parce que je l'ai dit souvent, c'est pas parce que c'est médium que ça peut pas être saignant. Mm-hmm. On finit dans le saignant pas mal. Des fois, un bon steak bleu puis de la sauce, fait qu'on y va pas mal. Puis des fois, je dis aux auditeurs de peut-être commencer la soirée en tamisant les lumières. Après ça, on allume tout, on met les straps et on tasse les meubles du salon parce que ça se peut qu'on s'abrasse un petit peu à la maison. Ah, c'est tout l'inverse que le rituel pour aller dormir, là. Effectivement. Non, on dort pas de suite. Quand on écoute Mathieu, on est là jusqu'au bout. Mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est le rock dans toutes ses facettes, finalement. Pourquoi choisir un style de rock en particulier? Justement, ça peut être, c'est le rock at large en général, parce que je peux aller dans tous les styles de toutes les époques aussi. Des fois, je peux aller des Beatles. Après ça, je peux aller avec le black metal, comme j'ai été voir un spectacle à l'Impérial il n'y a pas longtemps. C'était un spectacle de 6 heures. Hein? Ouais, de 6 heures jusqu'à minuit, il y avait 5 groupes. Ok, c'était pas le même groupe. Non, c'était 5 groupes, mais quand même, c'était gras comme soirée. Ouais. Pour revenir toujours à la cuisine. À quels invités penses-tu, Mathieu? Après, peut-être que les invitations sont pas encore lancées, donc je sais pas, mais quel genre d'invité tu voudrais nous faire découvrir? J'ai discuté avec plusieurs groupes durant la semaine. J'ai parlé avec Didier Sanson. Parce que Didier Sanson, mis à part avoir son groupe de Fleeing, il fait la promotion de plusieurs groupes qui vont avoir lieu à l'Impérial ou au Scanner aussi prochainement. Donc pour moi, c'est un gros plus pour pouvoir faire la promotion de pas juste de Fleeing, mais de tous les groupes dont il va faire la promotion. Puis c'est des groupes quand même émergents. J'ai parlé aussi avec Mr. Weather, qui ont fait un spectacle dernièrement à l'Impérial pour le lancement de leur nouveau matériel. Il y a aussi Art Seraph, Thierry, le chanteur, lui, il a un style de musique quand même très particulier. C'est du métal avec une inspiration un petit peu religieuse. Mm-hmm. Donc, lui, il va chercher le plus le côté chrétien religieux, puis il associe le métal dans tout ça, fait que ça m'intéresse beaucoup de connaître comment qui jumelle les deux ensemble. Oui. Donc, des artistes qu'on retrouvera en invité de l'émission, en tout cas, je te le souhaite. Mathieu, ça promet d'être de belles rencontres. Ouais. Et ça commence dimanche prochain, 21h, minuit. On commence, on tamise les lumières et on les allume plus tranquillement. Je ferai le test à la maison, Mathieu, je t'en dirai des nouvelles. Ben oui, j'ai hâte de voir ça. Ouais, on va se prendre en photo, on va lui envoyer ça. Merci beaucoup, Mathieu. Plaisir. Johnson. On accueille une recrue cet été dans la grille de CKRL. Oui, je dis une recrue pour une émission. Ouais. C'est deux animateurs, effectivement. Écoutez, pour l'anecdote, ce sont des artistes que vous entendez en rotation à CKRL. C'est des artistes qu'on joue beaucoup, qu'on a reçus en entrevue. Puis là, j'ai reçu un projet d'émission et c'était ma belle grande surprise de les voir arriver parce que je ne m'attendais pas à avoir de l'intérêt pour de la radio. Alors, pour vous parler de Soirée mondaine qui aura lieu le mercredi de 21h30 à 23h, je t'appelle Charles Garand ou Charles-Antoine Garand? Tu peux m'appeler Charles. Charles, tout simplement. Ça va être Charles pour les intimes. Et Jean-Christophe Maisonneuve-Audet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que tu représentes également. Alors, on vous connaît tous les deux dans vos projets musicaux. Jean-Christophe dans Fauvel, qui est d'ailleurs au palmarès. Toi aussi, qui est au palmarès, c'est KRL. C'est pas arrangé avec le gars des vues. Soirée mondaine, c'est quoi le concept? Ça sera donc, comme je le répète, mercredi 21h30, 23h. Exactement. Soirée mondaine, le concept, à chaque mercredi 21h30, on va, moi et mon comparse Jean-Christophe, on va écouter un album dont on a eu l'écho de l'importance culturelle ou du culte qu'il y a eu autour de cet album-là. Donc, c'est un album qui est clairement un album classique, mais qu'on n'a jamais écouté de nos vies. Mm-hmm. C'est pour les nombreuses fois où on se fait recommander des albums qui ont une importance assez grande, mais qu'on n'a jamais vraiment pris le temps d'écouter. Puis, tu sais, c'est vraiment des... pour tous ces albums-là dont on a vent de la magnitude, mais pour lesquels on prend jamais vraiment le temps de s'asseoir et puis de mettre ça sur la table tournante, puis de vraiment prendre le temps de l'écouter. Table sans... tournante, est-ce que ça sera des vinyles? Non, je pense pas que ce soit forcément. Des vinyles pour le moment. Pour le moment. Tu m'as fait rêver, là. Peut-être pas ici, mais c'est ça. Puis ce qu'on va faire, on pourrait, on en a deux. C'est ah juste ouais, pour ça. Ok. Ben ouais, c'est bon à savoir. Juste là devant toi. C'est bon à savoir. Non, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va faire jouer l'album, puis on va réagir en temps réel à ce qu'on entend, puis on va faire que des albums qui ont eu vraiment, dont on a entendu parler, soit dans des références, dans des films, dans d'autres musiques, parce que c'est bon, la musique dans son contexte un peu plus postmoderne, il y a beaucoup de référentialité aussi. Mm-hmm. Donc, tous ces albums-là qui viennent manifestement à nous, mais qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore découvert toutes les vertus, ça va se passer en direct. On veut des exemples. Ouais, il y en a forcément deux, trois que vous avez ciblés, là, et que vous savez... Oui, ben... on va surtout visiter des albums... Surtout, ben, en fait, moi puis Jean-Christophe, on s'intéresse beaucoup à ce courant-là qui s'appelle le krautrock, au début des années 70 en Allemagne. Toute cette vague de groupes-là qui pratiquaient un rock assez répétitif, assez lancinant, mais qui, dans son rythme constant, devient un peu hypnotisant, puis qui a eu une influence assez considérable sur beaucoup, beaucoup d'artistes, sur, par exemple, David Bowie, qui a fait sa série d'albums à Berlin et tout. Mm-hmm. Donc, très important, un peu en marge de la culture mainstream des années après ça. Mais on va quand même découvrir une couple de beaux petits joyaux. Mais également, ça ne sera pas nécessairement que des deep cuts, comme on peut appeler. Ça peut être des albums qui ont eu un succès commercial assez grand, mais que ça donne que moi et Jean-Christophe, on n'a jamais écouté ça. Mm-hmm. Donc, ça va vraiment aller de part et d'autre, mais ça va être de la découverte. Beaucoup, beaucoup de découvertes. Et je demandais à Jean-Christophe, est-ce que vous nous réservez du franco? Parce que ça a l'air effectivement d'être beaucoup de références, évidemment, américaines ou européennes, mais là, du francophone, il y en aura aussi. Il va y avoir du francophone aussi, sans l'ombre d'un doute, parce qu'on va faire aussi, peut-être pas dans les premières émissions, mais éventuellement, on va s'arranger pour avoir un invité spécial à chaque semaine qui, lui, connaît très, très bien l'album, qui l'a près de ses références, puis que ce soit pas forcément le cas pour nous. Donc, c'est quelqu'un avec qui on va écouter l'album, nous, pour la première fois, mais que cette personne-là qu'on veut avoir en studio avec nous va vraiment connaître l'album comme par le fond de sa poche. Wow. Ben, ça promet de belles rencontres mercredi 21h30, 23h. Moi, j'ai envie de dire aux auditeurs, et peut-être qu'ils auront des idées d'albums en vous cernant au fur et à mesure des émissions. Ils se disent peut-être qu'ils ne l'ont jamais écouté. Ce serait le fun qu'ils consacrent une émission à cet album-là. Il y aura possibilité de vous rejoindre. Tout à fait. On va, penser à ça. On va se monter nos médias sociaux dans le courant de la semaine. notre première émission étant jeudi le 22, mercredi le 22. C'est vrai. Vous commencez le 22 juin pour... informations pour tous ceux qui voudront vous suivre. En tout cas, bravo pour le concept et pour cette idée et merci de le proposer à CKRL. On est ravis. Grand plaisir. Charles Garand qui sera avec vous et également son co-animateur Jean-Christophe Maisonneuve-Audet sur les ondes de CKRL dès le mercredi 22 juin 21h30 pour Soirée Mondaine. Merci. Qui est au bout du fil? Je sais plus où on est rendu. William David, voilà. Alors, je vais quand même le présenter. Il a le droit, lui aussi, à sa présentation. Lui, c'est une recrue. Il est arrivé en septembre 2021 avec pour idée de faire une émission sur le rap francophone, particulièrement le rap français, parce que vous aurez remarqué qu'il vient de la France. Et il décrypte les paroles, les messages qui ressortent dans ses chansons, dans l'émission Alité Rap Son. Vous l'aviez entendu le dimanche de 16h à 17h. Ça sera désormais le dimanche de 15h à 17h. Bonjour William. Salut. Ça va bien? Bah oui, très bien. Je sors du travail, j'ai écouté l'émission, j'attendais mon heure. Ton heure de passage. Comme à la clinique. Écoute, c'est un feu roulant. Je suis bien contente de savoir que tu vas faire 2 heures d'émission cet été. Oui, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Il m'est arrivé souvent, quand j'animais une heure d'émission, de me dire « Ah ok, je vais passer ça », mais en fait, en pleine heure d'émission, je me voyais retirer certaines chansons de ma playlist. Donc je me suis dit, en premier abord, quand on m'avait proposé 2 heures, j'ai été un petit peu réticent, mais j'avais absolument pas la tête à penser à radio, j'étais malheureusement au travail. Mais après réflexion, je me suis dit, allez, pourquoi pas, vas-y, c'est un nouveau défi, j'aime ce que je fais, Puis surtout, j'ai jamais autant écouté de musique. J'en écoutais déjà beaucoup, mais là, mon taux horaire d'écoute, on va dire ça comme ça, a littéralement triplé. Donc, c'est sûr, faut voilà. L'alimenter l'émission. Ça, on n'a pas le choix. Il faut en écouter plus, toujours plus. Et oui, tout à fait, tout à fait. Je me suis acheté un nouveau casque exprès. Enfin, bref, j'y ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'amour, surtout parce que c'est une musique qui me porte particulièrement. Et comment dire, j'espère que ça se ressent, du moins dans les émissions que j'anime. J'y mets beaucoup d'amour, beaucoup de comment dire. J'espère en tout cas que les émotions qui me portent. On a découvert un auteur aussi, William. Là, moi, quand tu m'as proposé le projet d'émission, tu m'as dit que tu parlerais des autres rappeurs, mais on t'a entendu clamer des textes toi-même. Bah, bien sûr, on est à l'écoute quand même. Et oui, je me suis porté au jeu. J'aime beaucoup écouter du rap, mais j'aime beaucoup aussi écouter des instrumentaux, je veux dire. Et toujours au travail, j'essaie de travailler un petit peu avec de la musique, mais sans parole. Donc j'écoute beaucoup, beaucoup d'instrumentaux. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, quoi. Donc voilà, c'est vraiment de manière très amateur. Je ne prétends avoir aucun talent, mais du moins j'ai beaucoup de fun à faire ça. Je me suis prêté au jeu. Voilà. Quels sont. Je demande, parce qu'on n'a pas le temps malheureusement de faire des listes aujourd'hui, mais un rappeur français que tu nous recommandes en ce moment, que c'est un incontournable pour toi, pour la qualité de ses textes. Je dirais Giorgio. C'est comme Georges, on remplace le E de la fin par IO, donc Giorgio. Mm-hmm. Je trouve qu'il a eu une évolution assez marquante, dans le sens où il est passé de textes très, très rues, très boom bap à une diversité musicale. Il a essayé d'autres genres un petit peu, tout en restant très poignant dans ses textes. Et c'est ça qui le rattache toujours au rap. Il adore cette musique, mais il a essayé d'autres styles musicaux qui sont vraiment très. En fait, ça fait un beau mélange. Voilà, le texte rappé sur un peu plus, pas un peu plus de la pop, mais parce que j'aime pas ce terme-là, mais des instrumentaux très différents et avec des textes tout aussi poignants. D'ailleurs, il a eu il a fait un featuring récemment avec Cœur de Pirate. Ah oui, sur son dernier album. Ouais, donc, je connaissais pas. Donc voilà, je vous invite à écouter ce rappeur, que ce soit ses anciens albums comme les nouveaux. Alors pour le rap français, particulièrement, vous l'avez compris, votre référence c'est Alité Rapson, le dimanche de 15h à 17h, animé par William David. Pour le rap québécois, vous inquiétez pas, on a d'autres rendez-vous à vous proposer, on en parle un peu plus tard dans l'émission. Un grand merci William, puis bon été. Merci beaucoup, et toi aussi. On continue notre découverte de la programmation d'été de CKRL. Je vous le rappelle, ça commence aujourd'hui, ça se poursuivra jusqu'au 11 septembre prochain. Et la prochaine émission que je vous présente, c'est le genre de parcours que j'adore. La personne a commencé en tant que chroniqueuse dans mon émission, Première Loge à l'époque, et maintenant elle va avoir sa propre émission, et ça je trouve ça génial quand au début on part juste pour une chronique de 10-15 minutes, et finalement ça devient une émission d'une heure. Elle a un super beau projet personnel qui l'a menée aussi à ce concept d'émission. Vous la connaissez sous le nom de Marisseau, elle est organisatrice professionnelle, et au 1er juillet, ou même peut-être que c'est déjà fait, elle déménage de son appartement pour s'installer dans un fameux school bus jaune, vous savez, ces autobus américains, et elle y a aménagé sa vie pour parcourir le Québec et je suis sûre d'autres endroits aussi. Marisseau va nous présenter Vivre et voyager autrement le vendredi de 16h30, de 17h30 à 18h30. Salut Marisseau. Salut Jessica. Quelle histoire quand même quand on remonte le temps. Ben oui, hein, c'est fou. Hein. Pensez pas à un moment donné que j'aurai mon émission, mais c'est le fun. Mais quand j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux, elle m'a écrit, elle m'a dit « Ah ouais, je pourrais faire une émission moi aussi. » Je dis « As-tu le temps? Tu vas voyager tout l'été? » Et elle m'a dit « Je vais trouver le temps pour faire de la radio. » Était-ce un vieux rêve? Je pense que oui, un vieux rêve caché que je savais pas en fait, mais que j'ai découvert en découvrant la radio, dans le fond, en faisant des chroniques, puis que... Mais l'occasion s'est présentée, donc je me suis dit, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors, évidemment, c'est drôle parce que là, justement, tu es entre deux sessions de travaux dans le bus jaune parce qu'il faut l'aménager. Exact. Il est plus jaune, d'ailleurs, depuis la fin de semaine. Il a enfin changé de couleur, donc il a été peinturé au complet. Là, donc, c'est ça. Il est bientôt prêt à prendre la route. Là. Normalement, demain, elle devrait être sortie de la shop puis prête à prendre la route. ton expérience personnelle va évidemment teinter l'émission. Tu vas parler de cette expérience en bus parce que c'est assez hors du commun quand même. Exactement, oui. Puis j'ai découvert, ben, tu sais, j'enseigne le mode de vie minimaliste puis à tendance zéro déchet. On a quand même des modes de vie différents qui existent dans le monde puis on n'en a pas tellement conscience. Donc moi, en faisant ce projet-là, j'ai découvert justement un nouveau mode de vie que je ne connaissais pas non plus puis que je vais devoir apprivoiser puisque le van life, je ne connais pas ça vraiment. Là, donc ça va être quelque chose de nouveau aussi. Puis ben, en parlant des gens qui ont fait ce genre de transition-là aussi. Mais j'ai découvert qu'il y avait plein de modes de vie différents, mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc, le but, c'est de vous les faire découvrir puis d'inviter des gens qui vont venir parler de leurs expériences par rapport à ce qu'ils ont fait. Tu peux nous donner des exemples? Parce que je sais que des invités sont déjà programmés. Là. Ouais. Oui, en fait, on a, par exemple, comme voyager ou vivre sur un voilier pendant plusieurs années, même en famille. On a d'autres personnes qui vont venir parler justement de c'est quoi vivre en schoolie, mais avec des enfants également. Sinon, j'ai aussi une personne qui a accepté de venir, qui a été pendant un an ambassadeur Airbnb. Donc, il a voyagé gratuitement pour Airbnb pour aller découvrir des endroits. On va parler aussi de house sitting, donc de garder des maisons. Donc, c'est une autre manière de voyager ou de vivre différemment. C'est une personne qui vit en ce moment au Portugal, mais qui est québécoise, puis que ça fait 5 ans, dans le fond, qu'elle fait du house sitting, donc elle se bouge de place en autre. Donc, c'est ça. Ça va être ce genre de découverte-là qu'on va avoir pendant l'émission. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les budgets. Oui. Parce que le house sitting dont tu viens de parler, évidemment, ça évite de payer un loyer ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai fait dans Saint-Sauveur pendant un mois quand je suis arrivée à Québec. C'était même du cat sitting parce que j'ai gardé des chats. Bon, en tout cas, bref, tout ça pour vous dire que c'est plus commun qu'on le pense. Puis je pense qu'il y aura beaucoup de parcours inspirants. C'était exactement le genre de projet qu'on voulait pour l'été. Et moi, je le rappelle, pour tous les gens qui partiront pas en vacances cet été, on pense aussi à vous en vous proposant ce genre d'émission parce que je pense qu'en écoutant ces témoignages-là, ça nous fera assurément voyager. Mais oui, ça nous permettra de nous évader d'une manière différente. Moi, le voilier, ça me fait rêver déjà. Donc, Marisot, je le rappelle, à l'animation de Vivre et Voyager Autrement le vendredi 17h30, 18h30. Ouais. C'est des nouveaux horaires qu'il faut que je me mette en tête, je m'excuse. Lors de l'apéro vendredi, c'est bien parfait. Merci Marisot. Merci à toi. Je te souhaite une super belle saison à CKRL, bienvenue. Merci. Un habitué, cette fois, j'allais dire un vieux routier. Ou non, je dis ça, mais ça fait à peine 10 ans, je crois, que tu es sur les ondes de CKRL. 11-12, quand même. Mais tellement présent, Jacques Dulac qui est avec nous. Salut Jacques. Salut. Jacques, c'est particulier cet été pour toi, puisque pas d'illusion auditive le samedi, ça prendra une pause. Mais quoique, on va s'en parler, il se trame quelque chose derrière toi, tu vas le savoir. Oui, l'autoroute, j'ai entendu parler. T'en as entendu parler? Bon, on s'en reparle alors. T'as rien caché. L'autoroute, le dimanche, je veux quand même le préciser, en fait c'est votre émission samedi minuit, là, qui fait de la minuit nuit de samedi dimanche. Exactement, on va mettre des rediffusions quand même, parce que c'est un public fidèle. Vous avez produit beaucoup d'émissions pendant la pandémie, je trouve qu'il y a beaucoup de spéciaux, d'émissions qui méritent d'être réentendues. Donc, ça va être ça pour cet été. Je pense que si on ne sera pas là cet été, en tout cas, s'il n'y aurait pas de rediffusion, ça ferait un gros trou. Ben oui, je ne saurais pas quoi mettre, sincèrement. C'est tellement phare. Peut-être dire un petit mot sur l'autoroute, parce qu'on va quand même l'entendre cet été. Oui, ben l'autoroute, il va y avoir des reprises, là, c'est certain. On va sûrement repasser l'émission qu'on a fait, mais les deux émissions sur Cosmos. Ben bien sûr, pourquoi la dernière, s'en passer? La dernière, on l'a fait. Dimanche dernier. C'était une série d'émissions marathon, si je peux l'exprimer un peu comme ça, parce que c'était beaucoup de travail, l'enregistrement, puis avec Roger Tédrolet, puis Michel Maltais. On a fait ça pendant la semaine, on a terminé vers 11h30, minuit, je pense, puis on travaillait le lendemain. Pour parler des fameuses productions Cosmos qui ont notamment amené Pink Floyd à Québec dans les années 70, là vous et avez Genesis. Fait tout un spécial quand même, un livre qui est sorti autour de toute cette époque-là, vous avez consacré des entrevues, c'était une émission aussi au Radioton, mais oui Jacques, je vais la rediffuser, c'est sûr, il faut honorer ça. C'est bon. Donc, on le rappelle, émission nocturne qui vous accompagne le dimanche ou la nuit de samedi à dimanche de minuit à 4h. Mais toi, on te retrouvera en remplacement de Michel Dubois pour Rue d'Auteuil le vendredi de 20h à 22h. Ça fait ma 5e année, je pense, que je fais ça. Ah ouais, quand même. Les premières années, on était 4. Il y avait Daniel Leroy, entre autres, il y avait Vincent. L'autre, je pense que j'ai Gilles Chaumel. Puis après ça, ça a comme réduit. Puis Michel a comme décidé d'épurer ça un peu, de garder une image plus standard, parce qu'on avait chacun nos couleurs. Un passait beaucoup plus de Delta Blues, d'autres, lui, un autre, c'était plus années 50. Moi, c'était années 50, puis Vincent, ses couleurs aussi, il y a moins de blues que moi. Donc, là, c'est moi, comme l'an dernier, avec Vincent. Vincent va en faire peut-être deux cette année, à peu près, pour me donner un petit break dans le mois d'août. Puis... Donc, ton blues à toi est toujours des années 50 à jusqu'ici? Non, il est des années 20-30. Ah, des années 20-30. Bon, ouais, tout à l'heure, ça parlait des années 50. Le Delta Blues, j'en passe un petit peu. Okay. Je passe le blues électrifié. Le début de l'électrification dans les années 50 avec Muddy Waters et Howlin' Wolf, le blues rock, le blues actuel, des nouveautés. Je passe aussi, je prends un album qui a été marquant dans l'histoire ou qui est méconnu, puis je fais 30 minutes dessus. Je vais alterner entre les nouveautés et ça, bloc, parce que mes nouveautés, je passe 30 minutes de l'album aussi. Comme je vais avoir Cathy Knepp, j'ai une exclusivité d'un de mes amis des États-Unis. Puis je vais l'avoir vendredi. Je vais passer 4-5 chansons de son tout récent album. Pourtant, ça fait 20 ans qu'elle fonctionne. Puis elle n'est pas très connue. Si je n'ai parlé à Michel, il ne la connaît même pas. Si Michel Dubois la connaît pas, c'est que vraiment il se passe quelque chose là. Donc, on le rappelle, Jacques Dulac à l'animation en remplacement de Michel Dubois pour Rue d'Auteuil tout l'été. Vincent Delisle qui viendra faire son tour deux fois également. Donc un beau menu, dis donc. Je vois qu'il y a beaucoup de belles choses qui se trament autour de l'émission. Merci beaucoup Jacques Dulac de tenir le fort du blues à CKRL. Vous allez avoir plusieurs couleurs de micro parce que j'ai une Fragicite, voyons comment ça s'appelle une... En tout cas, c'est une genre de d'extinction de voix. Ah. Puis j'ai la voix qui change... À chaque semaine. D'un micro à l'autre. Donc c'est le même animateur, je vous rassure, c'est ça qu'il faut savoir. Aux illusions auditives, là, j'ai fait des micros, j'ai averti le monde. Du début de l'émission à la fin de l'émission, j'ai changé de voix 4 fois. Ah bon? Ben écoute, caméléon. Merci beaucoup Jacques Dulac. En tout cas, prends soin de toi cet été. J'ai hâte que ça revienne. Oui. Merci Jacques. Merci. On va faire une petite pause hein, parce que c'est un feu roulant dans ce coup d'envoi de l'été 2022 à CKRL. On vous présente, écoutez, on n'a pas fait le compte encore, mais je pense qu'on est proche d'une quarantaine d'émissions. On est très heureux que les animateurs et animatrices bénévoles soient de la partie cet été pour vous accompagner. Vous l'avez entendu, des nouveautés, des grands classiques. On parle d'événements, on reçoit des artistes en entrevue. Bref, quoi qu'il se passe cet été, CKRL conserve son mandat, de vous tenir au cœur de l'actualité locale avec des pépites internationales aussi. On part en musique et on se retrouve juste après. Jessica Leb avec vous, directrice de la programmation jusqu'à 18h. Le cerveau engourdi, je peux magasiner dans le confort de mon lit. Je rentre mes données un peu partout, je fais confiance à la vie. En quête de liberté, je consomme plein de produits, mais sans hésiter, je me logue et je sacrifie mon intimité, ma vie privée. Mais quelle drôle d'ironie! Les algorithmes mentent, j'ai pas besoin de Viagra pendant que j'écoute des vidéos de chat. J'ai pas besoin du meilleur tube de mascara ou d'un nouveau pyjama. Non, non, non. Des cristaux, des suppléments d'oméga 3 pour équilibrer mes chakras. J'ai-tu vraiment besoin de porter du Dolce & Gabbana pour être un vrai mâle alpha? J'ai les pouces enflés pis les yeux rougis. J'continue à scroller pendant que défile ma vie. La tête embrumée pendant qu'explose ma limite de crédit. Des algorithmes, moi, j'ai pas besoin de Viagra. Pendant que j'écoute des vidéos de chat, j'ai pas besoin de bobettes en laine d'alpaga ou de bijoux pour cobra. Non, non, non. Des frottes à tout de Yakuza, une Sutra en espérant que ça servira. Surexposé à la publicité. Des algorithmes, moi, j'ai pas besoin de Viagra. Pendant que j'écoute des vidéos de chat, j'ai pas besoin de bobettes en laine d'alpaga ou de bijoux pour cobra. Non, non, non. Il faut qu'à tout de Yakuza, une collection de robes de geisha. Kama Sutra, en espérant que ça servira. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Secret de parler après ce jingle qui n'est pas de mon émission. Jessica Lev avec vous, directrice de la programmation pour le coup d'envoi de cette saison d'été à CKRL. J'avais envie qu'on écoute les geeks parce que les geeks contre-attaque seront encore là cet été. Ils ne prêtent pas de pause non plus. Puis l'extrait qu'on vient d'entendre, bah ça fait partie des jingles que vous pouvez entendre dans leur émission. Mm-hmm. Alors les geeks contre-attaque, c'est le samedi toujours de 13h à 15h et on est avec Éric Lajoie pour en parler. Salut Eric. Hey, salut. Éric, ça te fait quoi d'entendre les geektualités dans un... Bah, quoique, non, 17h, c'est tard pour vous. En même temps, je te dirais que la dernière fois que j'ai entendu ça un soir de semaine, c'était probablement dans nos deux premières années. Là. On était les jeudis soir, puis on a switché assez rapidement la fin de semaine pour avoir... Peut-être étendre un peu la durée de notre contenu aussi. C'est plus serré. Et en même temps, ça, c'était plus adéquat pour les disponibilités de tous et chacun. On avait une équipe différente à l'époque. Mais reste que la fin de semaine, c'était plus abordable pour tout le monde. Que, on finissait de travailler, on arrivait à la presse. Je pense qu'on était à 17h30, la première version. Oui, ben oui. Les magazines, c'était à cette heure-là. Ça nous faisait serrer. Fait que là, on est comme le magazine à part des autres, qui est la fin de semaine à 1h l'après-midi. C'est vrai. C'est correct. Le magazine consacré à l'actualité geek. Donc, bien sûr, les jeux vidéo, le cinéma, les super-héros et j'en passe. L'informatique, la science, gadgets, l'astronomie, ouais. Tout ce qui nous intéresse, dans le fond. Des thèmes de passionnés, peu importe la passion que vous avez. C'est... Mm-hmm. La culture ouais. geek en général, vraiment mm-hmm. passionnante. Une grosse équipe. Ça fait combien d'années maintenant? J'ai perdu le compte. On a commencé le 7 juin 2012, donc ça a fait 10 ans, là, pas si longtemps. On a fait notre 10e anniversaire là, presque 2 semaines. Mm-hmm. Et dans le fond, nous, l'équipe, elle a changé. On est présentement, l'équipe qu'on est actuellement, dans le fond, on est comme 3 ou 4 réguliers, 2 ou 3 occasionnels. On est 7 et l'équipe est fixe depuis janvier 2016. Donc, ça fait 6 ans là, qu'on a l'équipe actuelle. Et bravo, une équipe de 7 comme ça qui a du plaisir à se retrouver à chaque fois, qui a eu la pandémie. Alors, bon, bah, pour des geeks, on se branche à distance, on met Twitch et tout ça. Ça a l'air facile dit comme ça, mais je te dirais qu'on angoissait là, la première semaine à savoir parce qu'on n'était pas nécessairement équipés pour ça, tous et chacun. Ouais, hein. Tu sais, Stéphane Goulet d'Arcade Québec, qui a l'émission aussi, lui, il a l'équipement pour faire un podcast, c'est ce qu'il faisait auparavant. Mais moi, j'ai pas ça chez moi, mes collègues non plus. Et c'est de prendre toutes ces différentes qualité d'équipement qu'on avait et de trouver une façon de faire un son à peu près égal pour qu'on ait de l'air de tout se parler dans la même pièce. Puis j'ai appris à faire du montage audio pendant ces 2 ans-là. Je savais le faire un peu, mais c'était très rudimentaire. Et là, je te dirais que j'ai peut-être 200 heures de matériel de monter en 2 ans. Donc, non, c'est pas si pire. Là. Ça s'en vient pas pire. Mais ils sont de retour en studio depuis à peine 3 semaines. Là, exactement. Quand le masque était plus obligatoire dans les lieux publics. Non, c'est ça. Puis le nombre aussi, il y avait des restrictions sur le nombre de personnes en studio. Puis nous, de faire ça, mettons, à moitié sur place, à moitié en remote, c'est déjà compliqué de le faire en remote. On se disait de mélanger les deux. Se réhabituer au Python avec le nouveau WinMedia pendant que, tu sais, il y a du monde en remote. Là, ça devenait, on s'est dit, non, on va attendre de pouvoir revenir. À pleine capacité, puis on a bien du plaisir à le faire depuis. Là, c'est vraiment, vraiment excitant de voir ce qui s'en vient pour nous autres cette année, dans le fond, la saison d'été et les saisons subséquentes. Ben oui. Ben oui. Alors parlons de l'été, parce que moi j'ai l'impression, je sais pas, je me dis comme les films au cinéma, en parlons jeux vidéo, parce qu'il y a quand même un public féru de jeux vidéo qui vous suit, vous en parlez beaucoup. Il y a beaucoup de sorties de jeux vidéo l'été? L'été, c'est les annonces. L'été, généralement, le mois de juin, mois de juillet, ils font les annonces pour les jeux qui vont sortir pour le temps des fêtes. Parce que généralement, les grosses sorties sont soit autour du temps des fêtes, genre novembre, novembre-décembre. Pour offrir un cadeau. Effectivement. Mm-hmm. Un autre des gros mois aussi, février-mars, dans le creux de l'hiver, ça fait partie des dates parce que vraiment beaucoup de sorties de, je dirais, les gros canons, là, les triple A, les grosses machines qui vont driver pendant toute l'année. Mais il y en a à l'année longue, là, des sorties de jeux, on ne sort pas de cachette. Les films, c'est plus tranquille aussi l'été, mais les blockbusters, quand même, au mois de juin, c'est quand même le début de la saison des blockbusters de l'été. Mm-hmm. Ça nous tient occupés. Nous, de ce côté-là, l'actualité geek, elle arrête vraiment jamais, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas tant de périodes mortes avec notre contenu. Puis, pour être plus chauvin un peu dans notre matériel à nous, dans ce qui se passe avec nous, les geeks, on a un gros projet qui s'en vient, là, un projet que je planche depuis 2 ans. 3 ans, en fait. Moi, c'était juste avant la pandémie. Mmh. Je m'apprête à autopublier un livre. Oui, inspiré d'un défi que tu as vécu. Ici même au Geek Contre-Attaque, effectivement, je m'étais peinturé d'un coin pendant une résolution de fin d'année, en onde, en disant, tu sais, j'ai pas assez vu de films dans les films qui sont nominés aux Oscars, je parle à travers mon chapeau tout le temps depuis un an. Mmh. Fait qu'il faut que j'en écoute un nouveau par jour, tu sais. Nouveau par jour, tu sais, écouter un film par jour pendant le plus longtemps que je pouvais, tu sais, c'est une résolution de début d'année. Et là, mais là, il fallait que je prouve que je l'avais vu, donc c'est pas seulement que je choisir un film puis de l'écouter le soir même, c'était aussi d'écrire une review du film et de la publier. Tout ça ensemble, c'est un 4 heures d'une soirée. Fait que toutes mes passions ont débarqué pendant un an parce que j'ai réussi à tenir le défilm. Et j'ai le défilm, moi, le défi film. Un petit porte-manteau amusant. Mais reste que j'ai réussi à le tenir parce que une fois que ça a commencé, qu'on a comme. On a comme capté l'attention de bien du monde dans les interactions qu'on avait sur notre page Facebook. On commentait, faisait des suggestions, tout ça. C'est devenu beaucoup plus dynamique que ça l'était. Puis avec une au moins ça qui était publié tous les jours, plus les autres articles qu'on publiait, c'est devenu très vivant. Ça l'a vraiment aidé du côté des médias sociaux. Quelque chose qu'on délaissait un peu à l'époque, mais qu'on a de plus en plus enrichi de différents matériels depuis. Là. Avec une publication par jour assurée et l'engagement que ça suscite, exactement. C'est sûr que ça a ranimé la page des geeks. Mais donc, ce livre autopublié, il est prévu pour quand? C'est que la campagne de sous-financement s'en vient d'ici un mois, peut-être avant. Donc, je suis en train encore de fignoler dans le processus de soumission, vérifier les prix, ça va me coûter pour le matériel. Parce que le livre est écrit. Le livre est écrit. Il est en train de se faire monter par la. C'est la grille graphique qui est en train d'être montée. Parce que c'est pas que de l'écriture noir sur blanc. Là. C'est comme. C'est de la mise en page. C'est plein de petits graphiques intéressants, des statistiques, les affiches des films que je review, tout ça. Puis c'est quand même 460 pages en couleur. C'est ça. C'est une Bible, finalement. Un peu, c'est ça. Puis je veux faire aussi un genre d'ouvrage de référence. Parce que je demande pas aux gens de scroller 4 ans. De retard sur Facebook pour trouver mes reviews, c'est ridicule. Là, t'es scrollé 3 jours, t'as l'impression de regarder cette nouvelle infinie. Je la lirai jamais, c'est correct, c'est disparu. Fait que c'est 4 ans, aussi, c'est impossible. Fait qu'à ce moment-là, c'est de les réunir là, mais aussi parler de faire une narration de mon expérience pendant un an, de tenir ça, parce que de mettre de côté beaucoup de tes passions pour respecter une promesse que tu t'es faite à toi-même, ou ce que pas de peau d'or au bout de cet arc-en-ciel-là. Là, personne ne m'a demandé de faire ça. T'étais pas payé pour le faire. Je suis pas payé pour le faire. Il y a pas de il y a rien au bout. Là. C'est moi qui ai décidé, juste pour moi. Puis là, une fois que je le tenais, fallait que je le tienne par fierté et rien d'autre. C'est un commitment, honnêtement. Puis ça l'a bouleversé d'une bonne façon, mon quotidien. Puis de créer une discipline d'écriture, ce que j'avais jamais fait avant, d'écrire à tous les jours. Et quand tu écris sur le même sujet tous les jours, après une semaine, fine. Après 3 mois, quand tu parles du même sujet, là tu cherches des synonymes. Puis tu cherches creux. Parce que tu veux pas te répéter, tu veux pas être redondant, tu veux pas être. Tu veux pas être comme un genre de disque qui complètement qui saute toujours au même endroit. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que j'essaie d'être plus créatif. Et ça a été un muscle que j'ai adoré pouvoir entraîner puis travailler pendant cette année-là, d'avoir à puiser dans mon vocabulaire le plus profond que je pouvais pour essayer d'être à tout le moins ce que je croyais divertissant dans le fond. Puis je vais vous laisser en juger quand le livre sera sorti. On va faire une version digitale, bien sûr, une version physique. Puis j'ai bien hâte parce que, écoute, j'ai travaillé là-dessus pendant un peu avant que la pandémie commence. J'avais commencé en 2019. Pourtant, ça aurait été un beau projet de pandémie. C'est juste que, dans le fond, étant donné que aussi les imprimeurs étaient fermés, et là, de ce temps-ci, le papier backorder, puis tu sais, la chaîne d'approvisionnement, tout ça, tous ces problèmes-là ont fait en sorte que j'avais mis ça sur la glace en attendant que ça revienne un peu. Puis en même temps, de se faire de la promotion, exemple. C'est dur de le faire quand tout le monde est isolé chez soi, qu'il n'y a plus d'événements nulle part. Je me suis dit, on va attendre que ça revienne tranquillement. Puis là, on est sur le point, là, fait que j'ai bien hâte. Ben écoute, je viens de trouver un sujet d'entrevue. Hein. Moi, je trouve que t'es vraiment inspirant. Puis effectivement, c'est au-delà de « J'ai vu un film par jour », c'est tout ce qui entoure ce défi-là. Donc c'est sûr, Eric, tu vas venir nous en reparler. Ah ben oui. D'ici là, les geeks contre-attaquent, le samedi, tout l'été, yes, de 13h à 15h pour toute l'actualité geek et bien d'autres trouvailles. Ah ben oui, tout à fait. Là. Puis on passe pas juste notre temps à se flatter dans le dos de nos propres projets. On parle aussi de ce qui se passe autour de nous autres, des activités autant à Québec pour ce qui est de l'univers geek qui va se réveiller enfin, qui va renaître de ses cendres après 2 ans de suspension. Donc, c'est sûr qu'il y aura plein de choses à vous jaser pendant l'été, là, c'est certain. Merci beaucoup, yes. Éric Lajoie, pour les geeks contre-attaque. Et effectivement, tu en as fait mention pour Arcade Québec, je vais le préciser aussi. Rendez-vous 100% jeux vidéo cette fois. Ça sera le mercredi de 20h30 à 21h30 que vous retrouverez le podcast de Stéphane Goulet et ses comparses sur les ondes de CKRL. Ce coup d'envoi d'été se poursuit dans quelques instants. Pamela Bisson nous parle de son remplacement des matins éphémères, mais aussi d'un autre rendez-vous qu'elle vous donne avec les enfants du Machin Club. Restez là. Destello de estrella, que brilla desde lejos, esa luz que alumbra y guía mi destino en medio del bosque y del frío. Yo busco respuestas a preguntas que aún no entiendo. Du Radioton de CKRL avec Ramon Chicharron, c'était Estrella, c'est ça? Simon, oui, merci. Je vais faire ça de reconnaissance vocale. Vous êtes dans le coup d'envoi de la saison d'été de CKRL. Jessica Leb, directrice de la programmation avec vous. On est ensemble jusqu'à 18h. Je vous présente les différentes émissions qui peuplent notre grille pour l'été. Des retours, des recrues, des prolongations pour cette émission. C'est un changement de nom pour l'été. On va toujours être accompagné par les enfants du Machin Club le dimanche soir de 19h à 20h, mais dans une formule estivale, puisque l'émission s'intitulera cette fois le Sunday Show. Et c'est toujours coordonné par Pamela Bisson. Bonjour Pamela. Bonjour Jessica. Les enfants du Machin Club qui continuent de nous informer sur l'actualité culturelle à Québec, qui nous font leurs critiques cinéma et de spectacle. Sur quoi tu les emmènes cet été pour nous inspirer encore? Bien, c'est sûr, on va toujours poursuivre nos volets comme culturel reste actif pendant l'été, mais on profite de l'été pour dévoiler des nouveaux volets de reportage où là, on va jouer, on va fêter, bien sûr. L'été, c'est la saison des festivals. Mmh. Et puis, on va découvrir les gens qui s'adonnent au jardinage, qui font de l'agriculture sur leur toit, sur leur balcon, en ville. Donc, profiter de la verdure, de ce que l'été a de mieux à offrir, finalement. C'est pour ça qu'on a un nouveau titre pour la saison estivale. Je sais que les enfants, quand même, toujours souvent des demandes spéciales par rapport à des activités, des invités. Est-ce que là, il y a une envie particulière pour l'été qui s'en vient? Il n'y a pas d'envie particulière. Moi, j'ai monté une programmation thématique où on va explorer 4 thèmes durant l'été, les feux de camp, les expéditions, les jeux autant en forêt qu'en ville que sur une console. Et puis, finalement, justement, le jardinage urbain. Ça, c'est les grands thèmes qu'on va explorer durant l'été. Mais sinon, les demandes que les jeunes font actuellement, c'est les films qu'ils ont ciblés un peu pendant la festivale, comme les sortes. Il y en a qui veulent pas manquer Thor, il y en a qui veulent pas manquer Les Mignons, le deuxième film qui va sortir. Donc, on est vraiment à l'affût des sorties en salle. On continue de l'être pendant la festivale. Et puis, on va aller, bien sûr, à la rencontre des spectacles qui sont à ciel ouvert, autant le cirque que le théâtre d'été aussi. C'est intéressant de le faire découvrir aux jeunes. Il y a des spectacles qui sont accessibles pour eux. C'est pas toujours des blagues grivoises. Il y a du théâtre d'été intelligent aussi maintenant. Donc, tout ça, on va essayer d'explorer tout ça ensemble pendant l'été. Ça promet. Festival d'été de Québec, est-ce que les enfants en profitent? On n'a jamais eu le bon timing pour l'explorer, parce que c'est sûr que on a toujours des séjours l'été ailleurs aussi, puis souvent ça tombe pendant le festival d'été, mais peut-être que c'était on aura la chance de se mettre au diapason de la programmation puis trouver des moments où on pourrait intervenir. C'est sûr que le Marchand Club s'intéresserait aux arts de rue encore plus qu'au spectacle sur scène, parce que la programmation déborde aussi des scènes payantes, et puis c'est ce qui pourrait nous intéresser, je pense. Mais je vais étudier tout ça, parce que les offres festivals continuent de se présenter et d'être annoncées. Donc, je reste à l'affût pour rien manquer, puis rien avoir la possibilité d'offrir le plus d'opportunités aux jeunes pendant l'été. On sait que tu travailles fort pour ça, Pamela. Je sais que c'est facile de te donner des idées comme ça. C'était juste des curiosités. J'en profite aussi. Tu nous as laissé un petit mot, puis j'aimerais le mentionner, pour aider les jeunes du Machin Club pour dans leur processus créatif, pour la création de leur court-métrage collectif Québec dont vous êtes le héros, un très très beau projet que vous avez eu, et c'est jusqu'à aujourd'hui que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent donner leur avis sur différents aspects de votre court-métrage. Oui, en fait, on va prolonger la période de vote, mais on a comme objectif jusqu'à minuit ce soir d'avoir 500 répondants, mais là, on est à 498 répondants. Wow. Et ça, c'est l'objectif PIDZA, donc pour récompenser les jeunes qui sont impliqués dans le projet depuis le mois d'octobre. On va partager de la PIDZA cette semaine, parce que je pense que le 500 va être atteint d'ici minuit. Après ça, ils ne le savent pas encore, mais il va y avoir un objectif 1000 répondants pour accéder à d'autres bonus d'activité dans la prochaine année, étant donné que le projet a été confirmé pour sa deuxième année. Donc là, on est moins dans l'insécurité de pouvoir planifier la suite. Québec-héros.com. Les gens peuvent voter sur québec-héros.com encore pour influencer les choix scénaristiques de notre scénario. Mais c'est sûr que le 24 juin, c'est terminé la période de vote. Donc, Québec jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. Je vais mettre une note pour aller voter, pour être peut-être la 499e ce soir. Oui, pour recevoir des confettis. Wouhou! On peut voir aussi les illustrations de Julien Dallaire-Charret, dessinateur de Québec, avec qui vous travaillez pour ce projet. Pamela, un petit mot aussi sur ton remplacement dans les matins éphémères. Il y aura aussi Première Loge cet été. Comment se passe la reprise tôt le matin pour informer nos auditeurs à CKRL? Oui, je vais être là pour remplacer Caroline, qui justement fait du théâtre d'été. Oui. Donc, ça va me faire plaisir d'être là aux petites heures, étant donné que je suis une lefto. Et puis maintenant, je profite du à vélo pour me rendre toute à la station. Donc, je suis bien contente d'avoir un nouveau moyen de déplacement. Et puis, je vais suivre tout ce qui va se passer au niveau de l'actualité là, pour les semaines où je serai en remplacement. Et les chroniqueurs de Caroline Stephenson qui vont être là au rendez-vous. Je sais qu'il y a des vacances qui vont se prendre au travers. Je ne suis pas encore au jour de ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore annoncé leurs vacances. Je suis en remplacement. Ça ressemble un peu à l'année, mais ça va bouger dans les prochains... Les, c'est la fin juin, donc en juillet, je pense que je vais être créative et proposer plein d'entrevues et d'émissions parce qu'il y aura beaucoup de chroniqueurs en vacances. En tout cas, d'ici là, des actualités, des sujets pratiques dans les chroniques, ça touche de tout. Là, on a le vin, bien sûr, avec Nicolas Médieu, le cinéma également, la science. Bref, une belle émission pour s'informer et s'instruire de manière générale. J'allais t'appeler Caroline Stephenson. Elle sera de retour la semaine prochaine pour une semaine, mais sinon, c'est Pamela Bisson que vous entendrez cette semaine. Un grand merci, Pamela. Ça fait plaisir et bon début d'été. À toi aussi et aux enfants également. Le Sunday Show, dimanche 19h-20h, ça commence cette semaine. Un autre animateur qui me dit « Moi, je prends pas de pause l'été », c'est Michel Drolet qui est de retour pour Mezzanine. Je dis qu'il est de retour, mais c'est vraiment un réflexe de phrase parce qu'il prend pas de pause. Donc, il sera là le jeudi de 20h à 22h. Ça fait plus de 20 ans déjà qu'il anime cette émission bénévolement à CKRL. Et la passion pour la musique britannique est intacte, si ce n'est plus forte. Bonjour, oui. Michel. Allô. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est la meilleure. Donc, j'ai été élevé là-dedans. Donc, quand on entend quelque chose quand on est jeune ou on connaît, on apprend des choses, on les retient, on les aime. Donc moi, c'est mon cas. Je pense que je t'ai jamais demandé d'où te vient cette passion pour la musique britannique. C'est vraiment la famille. Ouais. La musique qui jouait, j'ai trois grandes sœurs, un frère plus vieux que moi aussi, eux, surtout ma grande sœur, qui nous faisait découvrir. Elle achetait des albums, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était. Elle achetait un album et à un moment donné, une pochette orange avec un gros visage dessus, aucune notation. C'était King Crimson. Alors, ça a commencé comme ça. Elle achetait des albums sans savoir ce que c'était. Et elle nous faisait découvrir des choses. Même chose pour David Bowie, un album qui n'était pas indiqué que c'était David Bowie. Et c'est comme ça qu'une passion commence. Parler plus grand, j'allais dire les noms connus, mais toi, ce qui est bien en écoutant Mezzanine, c'est qu'on fait plein de trouvailles actuelles d'artistes britanniques. Puis oui, il y a des gros noms, mais on a l'impression que tout ce qui se fait au Royaume-Uni ou en Grande-Bretagne, c'est assez incroyable. Il y a de la création sans jamais s'arrêter, finalement. Oui, non, c'est ça. C'est un petit pays. Hein. C'est une petite île, mais il y a tellement de musique, de musiciens là-dessus, sur cette île-là, que... finalement, sont capables de me fournir là, à eux seuls. Même l'été. Pour une émission. Même l'été, oui, où je n'arrête pas l'été. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de sorties de ce côté-ci de l'Atlantique? Je sais qu'en France, en Europe, par exemple, ça arrête beaucoup moins qu'ici, au Québec, où on s'arrête pour mieux reprendre en septembre. Comment ça se passe du côté pour les sorties de la musique britannique? Oui, c'est ça. Ben, il y en a quand même. Mais ce que j'essaie de faire à mes années, là, à toutes les semaines, je fais l'album vedette. Ouais. Donc, je présente 5 ou en tout cas le temps d'un segment complet, là, 27 minutes de musique de cet album-là. Et j'essaie de prendre un album qui est déjà paru ou qui va paraître le lendemain, le vendredi des parutions. Mon émission, c'est le jeudi. Donc, mais parfois, je manque mon coup parce que ça sort en Europe, c'est paru en Europe le vendredi précédent, mais ici, ça va paraître... une semaine ou deux plus tard. Il y a un petit délai. Il y a un petit délai. Pas toujours. Ouais. Les gros noms, il n'y a pas de délai. Mais les noms un peu plus modestes, disons, il y a un délai. Et comment tu les fais, tes découvertes? Là, je demande un secret, mais plateforme de streaming, oui, bon, on vous incite à écouter de la radio, ça reste que... on a accès à tout. Est-ce que ça passe par là ou tu as d'autres sources? Oui, j'ai d'autres. Par Internet, il y a un site web là, vraiment excellent qui parle de musique britannique. C'est un site français. Et les Français sont très aiment beaucoup la musique britannique. On est plus proche aussi. Oui, exactement. Il y a la proximité qui joue. Oui, c'est ça. Et je me fie beaucoup à eux. Je regarde qu'est-ce qui sort. Ils présentent des extraits sur YouTube, des nouveaux singles qui sont parus, des extraits. Donc, j'écoute ça. Puis, OK, bon, ça, c'est bon pour Mezzanine. C'est pas mal cette façon-là. La lecture de magazines aussi. Je suis grand consommateur de magazines, Mojo, le Uncut, le Record Collector, qui paraissent encore. Il y en a beaucoup qui sont disparus depuis quelques années, mais il y en a encore. Que tu consultes en ligne ou que tu achètes ou que j'achète. Tu trouves? Que j'achète. C'est un passionné, Michel Drolet. Oui, oui, vraiment. Ta plus belle trouvaille dernièrement en musique britannique. Je sais que c'est dur, je la pose à tous les animateurs ici. En fait, c'est très facile. Mysterines. Wow. Lorsque j'ai entendu cet album-là, j'ai fait l'album La Vedette de la semaine et j'ai dit « Ah, la voix du chanteur est incroyable. » Je vois une vidéo, c'est une femme. Elle a une voix très particulière. La guitare est absolument géniale, de bonnes mélodies. de Mysteries. Mais les voix d'artistes britanniques, moi, je les trouve toujours très atypiques. Bon, il y a peut-être des petits standards qui, oui, ça se ressemble et tout ça, mais quand même, je trouve qu'il y a vraiment la touche. On est peut-être capable, des fois, de dire « Ah, ça, il me semble, c'est britannique. » Oui, ça, c'est vrai. Le son aussi, la le musique. Son, ouais, mais aussi ça. La voix, oui, parfois, ça arrive, oui. Oui, oui. Et puis, bah, Michel Drolet est un grand amateur de spectacles aussi. Il se promène beaucoup. Il oriente ses voyages autour de spectacles et de festivals. Ouais. Autour de certains artistes aussi, pour ne rien cacher. Est-ce qu'il y a des promenades britanniques à faire cet été au Québec? Au Québec? Il y a des spectacles qui s'en viennent. Mon premier spectacle là, que je vais aller voir à Montréal, non, c'est pas vrai, j'ai vu Genesis en novembre dernier, mais un groupe un peu plus modeste, disons, c'est The Psychedelic Furs qui viennent à Montréal au MTELUS au mois de juillet, donc je vais aller voir ça. Mmh. Et il y en a quelques-uns comme ça là, qui s'en viennent. Qu'il faut attraper. Ouais. The House of Love aussi, un groupe que je veux voir depuis tant d'années, et ils se sont reformés et reviennent à Montréal. Donc, je vais être là. Cet été, cet automne, The Smile. The Smile. C'était annoncé aujourd'hui? Oui, mais c'était pas... Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ouais. J'ai vu The Smile, mais il était pas... À Montréal, 25 novembre. Ah encore oui, à Montréal. Bon. Alors, les discussions qui sont en train de se passer entre animateurs, c'est ce qui arrive quand on les met ensemble. Merci beaucoup, Michel Drolet. Merci, bonne nouvelle saison. Merci à toi aussi, Mezzanine, musique britannique, le jeudi de 20h à 22h. Et c'est drôle parce qu'ils se succèdent le jeudi soir. On accueille tout de suite Jean-Sébastien Grandin qui, lui aussi, va continuer cet été pour Ton oreille à soif avec son comparse Olivier Lantier. Accord 20 et musique psychédélique. Bonjour Jean-Sébastien. Salut Jessica, ça va bien? Ben ça va très bien, dis donc, tu es en pleine forme après ce séjour en Californie. Oui, je suis très bronzé aussi. Tout en rougeur et tout en beauté, comme tu dis. Excuse-moi, c'est parce que je viens de voir mon ex dans la rue. Oui, je comprends que c'est distrayant. C'est distrayant. Jean-Sébastien, ton oreille a soif. Est-ce que les accords sont inépuisables entre vin et musique psychédélique? Ben écoute, oui, parce que c'est tout dépendamment de la sélection musicale. Et souvent, la sélection de vin a souvent rien à voir avec tout ça. Ouais. Nous, on aime beaucoup l'anecdotique. Hein? Je veux dire, voilà 18 ans, en 2005, en 17. C'est notre 36e saison, je crois. Pour Ton oreille à soi. Oui, déjà. Oui, on a débuté en été 2005, et puis on avait proposé ça. J'avais demandé ça à Bastien Gagnon, la France, à l'époque, qui était programmateur ici à CKRL. Puis je dis, écoute, moi, on aimerait ça faire de la musique live en direct. On aimerait ça avoir un show de fin de soirée. Et on veut faire des dégustations de vin. Et surtout, je veux carte blanche et toutes les clés de la station. Ils te connaissaient pas? Non. Ben, on s'est côtoyés pendant l'année précédente, puisqu'on était dans l'organisation du premier festival off de Québec. Mm. Et puis, on a tissé quand même une relation, quand même une belle complicité. Puis, j'avais demandé à un moment donné, j'aimerais ça faire du jazz, c'est KRL. Puis, il m'a dit, ah oui, pas de problème. Puis là, à un moment donné, ben, je me suis trouvé un emploi qui faisait que mes disponibilités n'étaient pas compatibles avec le créneau du midi jazz. Donc, et je me suis dit, on va proposer un autre projet. Puis depuis ce temps-là, ben, ça continue d'année en année. Là, comme je vous dis, on est à notre 17e année à Ton oreille à soif. Donc, quand on même. Fait partie des projets qui peuvent revendiquer haut nombre d'années. Pas des anciens, mais des... Appelez-nous 640-1586, c'est bon, on manque. À chaque fois qu'on a un bug, on vous demande de nous appeler. Bon, mais 17e année, ce qui veut dire que vous atteindrez la majorité pour le 50e anniversaire probablement, de CKRL l'année prochaine. Je vous le souhaite. Donc, des accords tout aussi farfelus cet été. Moi, j'ai pour m'en dire que c'est pas tant... le choix musical qui compte, ou bien non, le style particulier, tu sais, on est assez dans la musique psychédélique, rock, progressive, un peu comme les émissions de fin de soirée ici à CKRL le veut. Mm-hmm. Mais moi, ce que je veux, c'est le mix. Ce qui compte, c'est le mix. Et à un moment donné, dans les émissions un peu estivales, on a déjà mixé des trucs assez hétéroclites. Puis il y a même du Michael Jackson. Il y a même on trouve un peu du psychédélique un peu partout. Tu sais, ouais. Le bout où ce que... OK, c'est un peu hors norme dans tout le reste de son style pop. Ben, nous, on trouve que ça nous fait penser à des choses et donc ça nous fait un peu rêver. Et donc, on sort un peu de la norme d'un d'une chanson pop un peu classique. Là. Mm-hmm. Mm. Bon, alors le jeudi, 22h. Le jeudi, 22h avec mon ami Olivier Lantier. Puis c'est sûrement... Des fois, on a des invités spéciaux. Des fois, comme cette semaine. La semaine dernière, on a eu mon ami Étienne Parent-Lebourdet, avec qui j'ai l'occasion de co-animer Messieurs Dynamite. Mm-hmm. Donc, je l'ai initié à ce courant musical-là. Et là, il nous arrivait que son psychédélique à lui. Ah oui, très qui français. Est un peu reggae, non? Oui, il nous avait donné la toune... Là, il nous dit, moi, c'est la toune reggae la plus psychédélique que je trouve. Écoute bien ça, comment que ça passe. C'est comme un peu bizarre. OK, parfait. Donc, comme je disais, on peut en trouver... Un peu partout. Oui, un peu partout. Ça se glisse. Ça se glisse très bien. Une petite passe un peu... Hop là, on expérimentait. Bon, non, il y avait un petit verre de trop chou là-dedans. J'ai hâte de voir Marie-May ou Roxane Bruno avec du psychédélique prochainement dans ton oreille à soif. Monsieur Dynamite... Moi, je veux qu'elle pitch. Monsieur Dynamite, un autre rendez-vous qu'on retrouve cet été, vous l'assumez, c'est plus Soulfinger, c'est Monsieur Dynamite, ouais. 18h30, 20h, le vendredi. T'es sûr que c'est 18h30, là? Oui, certain. Il va savoir encore la vie en BD, ouais, non? Non? Il y a une nouvelle émission avant vous, maintenant. Bon, mais je suis super content d'apprendre ça et d'écouter ça vendredi. Donc, vendredi, c'est moi qui débute la saison estivale. Une saison qui va être un petit peu écourtée, car... nécessairement, il va y avoir les deux congés des fêtes nationales, la Saint-Jean-Baptiste, Confédération, et aussi, on va vous faire des bonnes émissions préenregistrées là, avec moi, Christian et Étienne. On va poursuivre le créneau à trois, mais je vous dis, en rotation à trois, oui. Mais je vous promets des surprises. Et on s'est promis d'animer toutes nos émissions en duo. Donc, ça va être des duos, Étienne, Christian, Jean-Sébastien, Étienne. Ce que vous aviez déjà commencé à faire. Oui, oui, oui. Puis je pense qu'on aime beaucoup ça parce qu'on confronte certains styles musicaux, mais tout dans ce groove-là qui est très, très différent. Je te dirais que... Christian, j'ai parlé avec lui hier soir, puis il me disait, en vue d'une prochaine collaboration, puis il me disait, « Ah là, j'ai hâte de redécouvrir là, le soul, le Motown. » Là, je commence là-dedans. Là. Je dis, bon, ben, quoi, vas-y, à fond les ballons. Moi, je suis rendu ailleurs depuis 10 ans, vraiment, depuis longtemps, que je découvre encore plus de choses ailleurs. Puis, bien content de voir qu'on va faire des belles émissions estivales ensemble. Les duos fonctionnent très bien. Et voilà, pour le plaisir de vos oreilles, chers auditeurs. Et ils se rencontrent parfois pour la première fois en faisant ces duos. Hein, ça a été le cas de Étienne et Christian qui ont animé il y a quelques semaines pour la première fois. Messieurs Dynamite, votre meilleur 5 à 7 à Québec le vendredi, c'est... Voilà, le vendredi 18h30, 20h, Jean-Sébastien Grandin, un grand merci. Merci beaucoup, Jessica. Bonne saison. Et un retour en onde pour le rap. Alors, je tiens à vous préciser, pour le rap, on a plusieurs rendez-vous. On a parlé d'Alité Rapson un peu plus tôt pour le rap français. Ça sera le dimanche de 15h à 17h. On aura La Dose Rap qui sera diffusée le mardi de 15h à 16h. C'est une émission proposée par l'ARC, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, animée par Rémi Giguère. Mais... il n'y avait pas assez d'émissions de rap Keb à Québec et à CKRL. Alors, un retour, Patrice Drapeau-Bisson pour Dérapage qui sera là le mardi de 19h à 20h. Salut Patrice! Allô! Ça va? T'as l'air loin. Oui. J'ai l'air d'être loin? Oui. Alors... J'étais avec mes éditeurs. Attends un peu. Patrice, c'est la joie du direct. Patrice, ça fait plusieurs années qu'il a animé cette émission, c'est KRL, puis là, il est de retour à Québec, il m'a dit « Je veux revenir faire mon émission s'il y a encore de la place pour moi. » Je vous l'ai dit, il n'y a pas assez d'émissions de rap Québec, mais pas seulement, parce que je sais que tu écoutes beaucoup de rap américain aussi, Patrice. Oui, ben j'écoute pas mal, ouais, c'est ça, rap américain, rap Québec, même un petit peu partout dans le monde aussi, mais c'est surtout, c'est ça, là, plus précis sur le rap Québec, puis le rap... Puis rap Keb, là, autant francophone qu'anglophone aussi. Oui. Puis rap canadien aussi quelquefois. Je vais dans ces eaux-là. Mais oui, puis ce que je disais, le rap québécois est très franglais aussi de toute façon. Ouais. Alors, parle-moi un petit peu de tes coups de cœur de l'été, que ça soit en artiste à voir en spectacle, en festival ou une sortie d'album récente. Au niveau des spectacles au festival d'été, il y a deux artistes que j'ai vraiment hâte d'aller voir. Il y a sur les plaines, je pense que c'est le premier dimanche, il y a Denzel Curry, qui est un rappeur qui est quand même connu aux États-Unis. puis qui fait la première partie de Suicide Boy. Puis sinon, il y a aussi un peu plus tard dans cette semaine-là au Festival d'été, Snotty Nose Red Skids, qui est un duo autochtone de rappeurs canadiens aussi, qui sont vraiment bons. J'avais déjà passé auparavant à Dérapage. Donc, puis tout ça. Puis au niveau coup de cœur récemment, il y a Lizzo, là, dernièrement, qui a sorti une chanson qui s'appelle Girl, qui échantillonne une chanson des Beastie Boys. C'est quand même assez bonne. Ouais, avec les Beastie Boys, déjà de base, on ne se trompe pas. Oh, donc, tu manques pas de ressources. Je parlais tout à l'heure, les sorties d'albums, bah, pas de singles, mais les sorties d'albums prennent une pause un peu plus au Québec cet été. Mais les exceptions sont souvent le rap. Hein? Les déceptions, ouais. Non, les exceptions. Ah, les exceptions. Oh, excusez, je vous entends mal, vraiment mal. Je disais, en termes de nouvelles chansons, ben, albums même, d'été. C'est vrai, parce que dernièrement, il y a Fouki, je pense, qui a ressorti son album Grignotine, là, je crois. Mm-hmm. Ouais. Puis, quelques mois, il y a Corias aussi qui avait sorti un nouvel album aussi. Fait que, non, c'est vrai que ça sort pas mal, là. Donc, tu manqueras pas encore de contenu. Oh, en une heure, ça va passer ben vite, là. Bon, ben Patrice, ça sera un plaisir de te retrouver sur les ondes de CKRL pour Dérapage le oui. mardi 19h-20h. Bon retour sur les ondes de CKRL. Mais merci beaucoup et hey, bonne fin d'émission. Merci. Ben oui, c'est la fin, effectivement. Oui. On va se quitter là-dessus. Je veux mentionner rapidement, il me reste combien de temps, Simon? 30 secondes? 45 secondes, très bien. Alors, Souvenir Franco, Jason Duval sera avec vous de 14h à 16h le vendredi. Si vous aimez la chanson rétro francophone, vous serez gâtés. Les Échangeurs d'air avancent de créneau le mercredi de 19h à 20h30. Retour aussi pour David Rocketship qui prendra les platines pour Rock'n'Roll Planet. Un rendez-vous que je suis très contente de réentendre le mercredi de 18h à 19h. Démentiellement vôtre pour le métal, ça change pas de place. C'est le vendredi de 22h à minuit et Terra Incognita également pour le rock progressif 22h minuit le samedi. Toute la programmation sur ckrl.qc.ca. C'était Jessica Leb avec vous. Je vous laisse maintenant avec les saints patrons de la Couffaine 18h-19h30.